89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Rookie. On accueillera une nouvelle pièce dans notre jeu, Mathieu Janvier et ses chroniques sur les jeux de table. Et on goûtera un morceau de quelque chose de sucré dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 15 mars 2018. On est à 43 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin. Congé aujourd'hui encore une fois. Oui, oui, je le dis depuis le début de la semaine qu'on espérait la revoir à la fin de la semaine. Mais non, elle va sûrement être de retour avec nous lundi qui s'en vient. Mais pour la remplacer aujourd'hui, David Ferron. Salut! Salut David! C'est quand même des gros souliers, là. Ben non, ça fait juste 5 pieds 5. Oh. Quand même. Non, non, non, non. Mais c'est une grande âme. Absolument. Non, on s'ennuie énormément d'elle à chaque jour. Chaque jour qui passe, je suis là, puis je retiens mes larmes un petit peu. Mais t'as le droit de pleurer, tu sais. Ah oui, faut vrai. David, merci d'être avec nous. T'es chef de pupitre du Zone Campus. T'es là aussi pour ta chronique tantôt qui s'en vient. Non seulement on va parler du Zone Campus, mais aussi tu vas faire ta carte bleachée. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta carte bleachée? En fait, je dirais que c'est l'Eurovision. Surprise! Hey! Surprise! Et je vais parler de la basse cour apportée par Israël. OK, OK. Donc, basse cour, les poulets, tout ça? Gangnam Style doit surveiller son derrière. Gangnam Style 2018. Oui. Je l'ai vu et je peux vous garantir que c'est une expérience sensorielle. Oui. Qu'on va vivre tantôt dans ta chronique vers les 8 d'après. Le yodel à laquelle, le yodel auquel toi et Tania t'es tellement fan. Mais ça. Va complètement passer sous le tapis. Ça, les mamies russes, là, l'Eurovision s'est rempli de choses bizarres. Oui, puis j'en parle un petit peu. Ça fait avec toi, tu sais. Dans le bon sens. Ça fait mon charme. T'es original, c'est ça. Toi aussi. Oui. J'aime bien ton chandail ce matin. Merci, c'est mon chandail Rice Krispies aujourd'hui. Je trouvais que ça fitait avec une grosse pointe d'adresse. Justement, une grosse pointe d'adresse à la toute fin de l'émission, c'est ce qu'on va faire. Tu vas être là pour ça. T'en manques. Là, tu peux pas manquer celle-là. T'as dit sucré. J'ai dit sucré. Je sais pas pourquoi je me sens collé sur ma chaise. Ça va être extraordinaire, je pense. Ça va être un délice, d'après moi. La barre est haute pour celle-là, j'ai vraiment hâte. Oh! Ouais. Sinon, aujourd'hui, on a quand même un plan assez chargé, étrangement. Je me rappelais pas qu'on avait un plan aussi chargé aujourd'hui. J'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Plein de choses, parce qu'on a Léa Tessier qui s'en vient tantôt à 7h30 pour sa chronique mashup musicale. Elle prend deux styles musicaux. En fait, c'est des mélanges de styles musicaux qui, normalement, iraient pas ensemble. C'est ça, sa chronique. Donc, pendant une petite demi-heure à 7h30 tantôt. À 8h, on a un nouveau dans l'équipe, Mathieu Janvier. Vous allez me dire, il reste quoi, 6-7 semaines à la saison? Ben ouais, mais tu sais, des fois, hein? Vaut mieux commencer tard que jamais. Hein? Surtout qu'il s'appelle Mathieu Janvier, mais... C'est ça, Mathieu et Mathieu, ça fait très bien ensemble. Oui, Janvier-Mars. Janvier-Mars. Très bon point. OK, je m'en vais. Mathieu Janvier à 8h pour une chronique sur les jeux de table, jeux de société, jeux qu'on joue ensemble, en famille, en amis, hein? En fraternité. Ensuite de ça, à 9h, Marianne Chartier-Boulanger, que tu connais du journal Zone Campus, va venir nous parler de la ruelle des arts qui s'en vient. Donc, on va l'avoir à 9h pour en parler. C'est quand même, chaque demi-heure est remplie. Ben oui. Tu sais, aujourd'hui. On va te faire du fun. Absolument. On va commencer avec son foutu palmarès dans quelques instants. Mais avance, on va entendre une pièce que je te dédie à toi. David, t'es tellement travaillant. Les gens te connaissent pour le Zone Campus. Les gens te connaissent pour ta participation à une grosse pointe d'adresse. On sait que t'es chef de pupitre au Zone Campus. J'ai déjà dit ça. T'animes l'Hub Trotter les mercredis soirs. Tu remplaces à écoutedon.ca. Je t'ai entendu comme invité à la sortie de quoi à votre gauche. Ouais, mais c'était juste concentré sur deux semaines. Pendant que je dépannais pour les autres émissions, je ne faisais pas ma propre émission. T'es à tous les événements aussi. Hein, t'arrêtes pas. On te voit partout. T'es sur l'Instagram en train de poster des photos de discours que tu vas voir. Mais en fait, je prends la photo puis je m'en vais. OK, bon. C'est peut-être moins impressionnant, Mathieu. Finalement. Ouais, je trouvais que tu travaillais fort, mais finalement... Ah non, mais les gens qui sont très prolifiques, il faut se méfier. Ah, c'est comme Stephen Hawking. C'est le Stephen Hawking de C'est fou, c'est ça? Non, pas tout à fait. J'aimerais ça avoir son cerveau, mais d'ailleurs, c'est triste qu'il soit parti. Ouais, je sais. Ouais. On écoute Victime avec Fatigue. À son âge requis. Avec la pièce Fatigue à Assemblage requis. Ah, maintenant, c'est son foutu palmarès. C'est la chronique, on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et c'est quand même assez précis aujourd'hui. Vous allez peut-être comprendre les indices pour une grosse pointe d'adresse qui s'en vient. C'est toujours ce que je fais. C'est plus rendu prévisible par tout ça. Mais on parle de Reese's. Ouais. C'est Reese's. Alors, une petite liste sur des faits, en fait, que vous ne savez peut-être pas sur Reese's. Un des chocolats préférés, je pense, de bien des gens. Non, pas moi. Ce serait pas Bar de Pin, ça. Ben, en fait, je suis pas très mélange sucré-salé. Déjà oh, boy, ça va mal. Je suis un peu conservateur là-dessus. Normal. J'approuve pas. Ben, en fait, je préfère la bonne tea. Ah, OK. Ben, quand même, ouais, un petit. Ben, c'est pas sucré-salé, mais c'est quand même un mélange des saveurs assez original, noix de coco et chocolat. Oh, oui. Mais bref, on parle de Reese's aujourd'hui, qui est l'enfant, Reese's, d'un ancien employé de chez Hershey. Lorsque Harry Burnett Reese avait besoin d'un emploi en 1916, il a fini par se prendre un emploi dans une ferme laitière de la compagnie Hershey Chocolate Company, où il a commencé en trayant des vaches. Hein? Et il a réussi après ça à se rendre à être gestionnaire de l'opération lactée, donc le lait chez Hershey. On appelait ça la Round Barn. Alors qu'il travaillait là, Reese a réalisé que les récompenses financières dans l'industrie du bonbon pouvaient être assez intéressantes. Donc lorsque l'usine de Round Barn s'est fermée en 1919, il était sans emploi. Ensuite, il a commencé à essayer de faire des bonbons. Finalement, ça a été un flop au départ. Reese, qui était sans emploi à ce moment-là, a essayé de se remettre sur pied en ouvrant la R&R Candy Company à Hummelstown, en Pennsylvanie. Eux, ils fabriquaient des raisins secs et des amandes couvertes de chocolat. Couvert de chocolat. Hein? Mais Reese n'avait pas de chance à ce moment-là. Même après avoir vendu une partie de sa compagnie sous le nom de Superior Chocolate Confectionery pour pouvoir se permettre des machineries modernes, il n'a pas réussi à avoir tellement de succès dans l'industrie du bonbon. La compagnie a fait faillite et après avoir bondi un petit peu d'emploi en emploi, il a fini par retourner chez Hershey où il travaillait dans le département du shipping. À ce moment-là, son éthique au travail, donc c'est le fait qu'il était vraiment un bon employé, lui a mérité une promotion. Il est devenu, comment ça s'appelle ça, foreman, c'est genre que dans une usine quand tu surveilles les autres, contre-maître, exactement, merci beaucoup. Mary s'était toujours pas satisfait. Sa prochaine compagnie de bonbons, elle, a démarré dans son sous-sol. Après ne pas avoir réussi donc sa première fois dans l'industrie, Reese a regardé le succès de Milton Hershey et a réalisé qu'il y avait assez d'argent dans le domaine du bonbon. Donc il a commencé à expérimenter avec de nouvelles formules, de nouvelles friandises dans son sous-sol. Il a commencé à faire une variété de friandises. Au début, sa friandise la plus populaire était la Lazy Bar. C'était du caramel couvert de chocolat et de la noix de coco. Donc je pense que tu aurais aimé ça. Un peu comme la Bounty, mais avec du caramel en plus. Je sais pas si on a déjà fait une Bounty au caramel. Oh, ce serait bon, ça. Donc, ça a été nommé en l'honneur de sa fille Reese, de la fille de Reese qui s'appelait Lizzie, donc la Lizzie Bar, c'est pour ça qu'il a appelé ça comme ça. Elle a aussi vendu une Johnny Bar nommée en l'honneur de son fils. Elle était fabriquée de mélasse. OK. Pas sûr, la mélasse dans le chocolat. Il semble que c'est intense, la mélasse, non? Ouais. Ouais. Bref, ça a été assez populaire. En 1923, Reese a pu démissionner de chez Hershey et puis partir avec sa propre compagnie, H.B. Reese Candy Company. Son gros succès a eu lieu en 1928. Ses premiers efforts avec sa nouvelle compagnie, donc, était quand même assez populaire. Mais ce qui a changé la donne, c'était 5 ans plus tard, quand il a commencé une nouvelle aventure. Reese a créé ses petits cups de beurre d'arachide couverts de chocolat qui allaient devenir synonymes avec son nom plus tard. Mais il savait pas que c'était un moment important. Il a pas fait une grosse campagne de marketing au départ. En fait, ça venait dans des assortiments de bonbons de 5 livres, des sacs de bonbons. Il y avait 5 livres? Non, mais entre autres, il y avait des Reese dans des sacs de d'autres friandises. OK, mais quand même 5 livres. 5 livres de bonbons pour l'Halloween, mais il n'y avait pas 5 livres de Reese. Moi, je prendrais 5 livres de Reese. Mais non, c'était d'autres affaires. Donc, les gens achetaient ça en vrac. Et puis, les Peanut Butter Cups étaient donc, seulement une partie d'une équipe de friandises. Mais évidemment, dans cet emballage-là de 5 livres, celui qui est devenu la vedette, c'était vraiment le Peanut Butter Cup. C'était trop délicieux pour être mélangé avec d'autres affaires. La demande commençait à augmenter. Lui, il a commencé à vendre ça tout seul à un certain point de 1935. Les magasins pouvaient avoir des boîtes de 120 cups qu'on vendait pour 1 cent chaque. 1 cent le cup de beurre d'arachide Reese's. Il y avait aussi des variétés plus grosses à 2 cents et à 5 cents. Comme aujourd'hui, on a des emballages avec 2 cups, des fois il y en a 3, des fois ils sont plus gros, des fois ils sont plus petits, bon. Bref, c'est devenu un énorme succès. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale a fait que Reese's a mis tout son argent sur les Peanut Butter Cups. Le sucre et le chocolat étaient difficiles à trouver pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui amenait à bien des problèmes pour les fabricants de friandises. Mais heureusement pour Reese et sa compagnie, le beurre d'arachide, lui, n'était pas rationné. Et le processus de fabrication des Peanut Butter Cups pouvait être automatisé à ce moment-là. Donc la compagnie a abandonné le reste de ses produits pour vraiment focusser seulement sur les Peanut Butter Cups. Et la popularité a pris de l'ampleur après la guerre. Mais c'est ça que je me demande, parce que... oui, c'est sûr que ça coûtait une scène, mais il y a quand même l'inflation depuis l'époque. Évidemment. Mais qui a pu émerger durant la grosse crise économique. Ça me fascine. C'est que les gens voulaient manger quelque chose de sucré, mais il y avait pas cher. Ça, ils voulaient pas cher, puis aussi il y avait les rations de chocolat et de sucre qui venaient un petit peu nuire. Hershey finalement a finalement ramené Reese dans sa propre compagnie. Tu te rappelles tantôt, Hershey c'était l'endroit où travaillait notre ami Reese, qui était parti travailler par lui-même. Et là, Hershey a finalement ramené Reese chez eux. La compagnie Reese a donc terminé à la case départ, si on veut, parce que Harry Reese est mort en 1956. Et en 1963, Hershey a acheté la H.B. Reese Candy Company. Un très bon move par Hershey, parce que les Reese's Peanut Butter Cups sont devenus les friandises les plus vendues pour la compagnie. Donc, Hershey numéro 1. Même sa propre barre Hershey ne se vend pas. J'avoue, c'est quand même surprenant. Ta marque mère, ça fait... Tu sais, chocolat au lait, là, il me semble, ça devrait être le choix le plus vanille. Ben, justement, peut-être que justement, la Reese se démarque par son produit. Par son originalité, son mélange des saveurs. Oh mon Dieu. Les Reese's Pieces, c'est quelque chose de plus récent, par contre. Est-ce que tu connais les Reese's Pieces? C'est un peu comme des Smarties, mais c'est du Reese qu'il y a dedans. C'est du beurre d'arachide puis du chocolat. C'est comme des Smarties. OK. Bref, en 1978, la marque Reese's a sorti un nouveau produit. 5 décennies après que Harry Reese ait développé les Peanut Butter Cups, Hershey a amené les Reese's Pieces, des petites friandises faciles à mettre dans la bouche. Au départ, on les appelait les PBs. C'était tout petit et le nom était PBs, donc comme des Peanut Butters, avant d'être renommé Reese's Pieces pour avoir quelque chose qui rime. Hein? Ça a toujours plus de succès. Ça a eu beaucoup de succès à ce moment-là après le lancement du produit. La poésie gastronomique. C'est ça. Les Reese's Pieces, le plus grand placement de produits qu'ils ont eu aurait pu être du côté de chez M&M, mais finalement ça a été chez Reese's Pieces. Et on parle de E.T. Le film E.T., c'est ce qui a mis les Reese's Pieces sur la map. Est-ce que tu savais ça? Non. Ils ont fait une apparition, dans le film de 1982, le blockbuster E.T. The Extraterrestrial par Steven Spielberg. L'extraterrestre préféré, tout le monde mangeait les Reese's Pieces. Par contre, si c'était Spielberg qui avait décidé, ça aurait été des M&M. L'histoire dit que Spielberg et son équipe voulaient utiliser des M&M, mais Mars a refusé l'opportunité d'être partenaire. Un chien de l'autre côté, il s'en mord les doigts. Est-ce que je peux dire loser? Pas mal loser. Loser! M&M, je veux dire sérieusement, tu compares pas les Reese's Pieces et les M&M, là, c'est sûr que Reese's gagne. Pour moi, là. C'est bon les M&M, mais tu sais. Ben, je vais t'avouer que j'ai jamais mangé ça des Reese's Pieces. Va falloir que tu le fasses. Sinon, ça goûte un petit peu pareil comme les M&M au beurre d'arachide, là. Ah. On s'entend que c'est un peu le même principe. OK. Mais bref, Hershey a accepté et puis ils ont promis de donner $1 million en publicité pour soutenir le film. Ça a bien fonctionné. E.T. est devenu un méga succès et les Reese's Pieces ont augmenté de 60% financièrement. Wow. Une bonne idée. Ensuite, les cuisiniers, les chefs ont beaucoup de plaisir avec ces Peanut Butter Cups. Ils sont très, très bons d'eux-mêmes, mais les chefs qui ont de l'imagination trouvent plein de façons de les utiliser. Que ce soit des biscuits, de la crème glacée, des gâteaux au fromage, les Reese's Cups peuvent être utilisés de plein de façons dans différents desserts. C'est tellement populaire, d'ailleurs, que Hershey a une page de recettes pour les Reese's sur leur site. C'est sur Hershey's.com. C'est peut-être le bonbon ou la friandise la plus populaire à Halloween. Gens qui passent l'Halloween aiment beaucoup recevoir des Reese's Peanut Butter Cups. Selon certains estimés, c'est le bonbon d'Halloween préféré des États-Unis. Ce qui a bien du sens, étant donné que c'est aussi la barre de chocolat, entre guillemets, la plus vendue. D'ailleurs, Reese's, il y a des barres. Hein? T'as vu les barres Reese's? Non? Les barres Reese's? J'en ai acheté une hier. Et j'adore cette barre-là. C'est vraiment une grosse barre, là. Tu sais, une brique, là, pas mal. Okay. Et c'est vraiment la même texture avec le même beurre d'arachide à l'intérieur, sauf que tu peux la séparer en carré. Ça mais se mange bien. C'est quand même mou comme. Oui, mais le chocolat à l'extérieur est dur. Okay. Dans cette barre-là, c'est le même goût que le chocolat dans un Reese's normal, le cup, mais plus dur. Ça se mange vraiment bien. Je le conseille. Oh. Vraiment. À noter. Ouais. Bref, pendant l'année, Hershey vend plus de $500 millions de Reese's, donc à chaque année. Vous êtes pas tout seul à adorer ça. David, c'est bien triste pour toi, mais bon. Ben, ils ont le droit. Ouais, c'est ça. Mais c'est correct, c'est original. C'est original. Est-ce que je pourrais te convaincre d'aimer quelque chose dans son petit palmarès aujourd'hui en te disant qu'on passe des Reese's au Chips Ahoy? Oh, les biscuits Chips Ahoy, t'aimes mieux ça? Oh, tant mieux, donc on va en parler un petit peu. Ben, c'est juste que je trouve qu'ils mettent pas assez de pépites de chocolat. Hey, t'as raison. T'as raison, ça s'appelle chips. Chips veut dire pépite, mais en plus que ça. Oui, sois pas généreux. Exactement. Bref, c'était pas le premier biscuit au briseau de chocolat à être produit en usine. Cet honneur-là va à Nest Little House pour sa version de 1900, dans les années 30, oui. Mais c'est quand même les biscuits aux pépites de chocolat les plus vendus en Amérique du Nord. Depuis 1963, les très connus Chips Ahoy sont au sommet des tablettes avec leur campagne de marketing. Hein? Pour les enfants comme pour les adultes. Donc commençons par le fait que Chips Ahoy a peut-être pris son nom de Charles Dickens ou de Donald Duck. Ouais. Nabisco a seulement dit que le nom était inspiré par le terme nautique Chips Ahoy, comme chips les bateaux. Hein. Okay. Mais le jeu de mots a un certain précédent. Une histoire en 1859 par Charles Dickens dans The Uncommercial Traveler incluait le passage « Chips Ahoy, old boy! » Walt Disney a aussi sauté sur l'expression avec un dessin animé de Donald Duck avec le même nom en 1956, donc peut-être que inconsciemment, ça vient peut-être de là. Mais étant donné que ce serait une question de droit d'auteur, ils ont juste à dire « Ah non, mais ça vient de l'expression d'origine Chips Ahoy. » C'est vraiment pas Disney, c'est vraiment pas Donald Duck, c'est vraiment pas Charles Dickens. Mais une chance qu'on n'a pas mis un canard sur les sachets de biscuits. Ben, ça aurait pu... Non, mais moi j'aime bien les mascottes. Oui. Et justement, la mascotte à l'origine pour Chips Ahoy s'appelait Cookie Man. Et ça fait peur, ça. Ouais, je peux te montrer sa face sur la vidéo. On voit un petit peu, là, pas vraiment, en noir et blanc. Ça fait peur, ça fait peur. Ouais. C'est une grosse boule avec de grosses dents qui mange des biscuits. Je ne dormirai plus jamais. Donc la première mascotte des Chips Ahoy, c'était un super-héros nommé Mort Meek. C'était un humain dont les aventures apparaissaient dans des bandes dessinées, sur les emballages et dans les promotions télévisées pour les dessins animés du samedi matin. L'histoire, c'était Mort Meek qui aimait savourer les 16 brisures de chocolat dans chaque biscuit. 16 brisures. Il y avait un chiffre. Mais tu sais, en même temps, c'est produit en usine, il n'y en a pas 16, c'est sûr que c'est pas 16. Là, c'est quoi, il y en a 3? Probablement 3. Mais 3 délicieuses, pépite. Hein? Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai arrêté de chialer, de me plaindre et de... Ben, si tu veux avoir des bonnes pépites, là, prends les biscuits avec, pas des brisures de chocolat, mais des morceaux de chocolat de Pillsbury. Oh oui. Oh, ça c'est bon. Oh. Ou encore des panneurs qui s'appellent André, près de chez nous. Ils font d'excellents biscuits, 2 pour 1$. C'est vrai, hein? Oui. Je suis d'accord avec toi, ça. Bref, c'est ça les aventures de Mort Meek qui se fait voler ses biscuits par un gros monstre avec des grosses dents. Et Mort Meek réussit à s'en aller façon Superman et revenir en Cookie Man pour sauver la journée. Donc ce que je te montrais tantôt, c'est pas Cookie Man, c'est le monstre qui l'affrontait, le vilain. Okay. Je m'en excuse. Dans les années 2000, Cookie Man a été remplacé par Cookie Guy. Après une absence de plusieurs décennies, Chips Ahoy a ramené sa mascotte en 2002. Cette fois-ci, c'était des biscuits animés. Peut-être les avez-vous vus récemment, c'est quand même cute comme publicité. Ils se font tout le temps ramasser par un humain, ils se font manger. C'est triste. Ouais, c'est triste. Ouais. Ils ont aussi changé le nom en 2014 avec Cookie Guy qui marchait avec des jambes à la place de juste glisser. Donc, il a un petit peu été modifié. Et puis, c'est ça. Il fait un paquet de mésaventures. Hein? Ensuite. Oui, c'est pâtes, c'est des pépites de chocolat. C'est ça, oh oui. Chanceux quand même. Oui. Quand t'as une petite fragale. Mais ça donne le goût de les amputer. Je veux dire. Oh, oui, oui. Okay. Les empépiter. Oh! Oh! Bien pensé. En fait, il y a 5 Cookie Guys. C'est ce que dit la compagnie parent de Nabisco Mondelez International. Les 5 Guys dans le Cookie Gang sont Chipper, Soft, Stroppy, Chunky et Cheeky. Un peu comme les 7 nains. C'est un peu le même principe. Ensuite de ça, le coach des New York Jets, Todd Bowles, est un gigantesque fan des Chips Ahoy. Apparemment, c'est son seul vice à ce coach de football, Todd Bowles. Il dit, après avoir gagné, il célèbre ça avec un verre de lait et une pile de Chips Ahoy. J'avoue que les Chips Ahoy, t'en manges rarement un. Tu manges au moins une rangée. Surtout avec un verre de lait. Le verre de lait fait en sorte que... Ça passe mieux. Oui. En fait, ce qui est encore meilleur, je sais pas si je peux le dire, c'est que tu mets des biscuits dans une tasse. OK. Tu mets un peu. En fait, tu écrases tes biscuits. Ouais. Tu mets du lait dedans. OK. Tu mets ça au frigo pendant 15 minutes. Puis après ça, tu manges ça à la cuillère. Mais c'est pas mou? Ben non, ça va faire comme pas si pire que ça, mais ça va comme faire une espèce de pudding. Ouais. C'est excellent. Ça a l'air bon, parce qu'en tant que tel, mettons de la pâte à biscuits nature, c'est super bon. Ça revient un petit peu à cette texture-là, peut-être un petit peu. Ben, ça m'intéresse, ça. Ben, ça me tente. C'est encore meilleur avec du lait au chocolat. Oh! Une future édition d'une grosse pointe en dresse, peut-être? Oh! Ouh! Le nombre de pépites dans chaque biscuit a changé à travers les années. Tantôt, tu te demandais justement est-ce qu'il y a encore 16 pépites. Les publicités des années 60 montraient Cookie Man méticuleusement en train de compter les morceaux de chocolat dans son biscuit avec le slogan « Chips Ahoy the 16 Chip Cookie », le biscuit à 16 pépites. En réponse à la compétition des années 80, la compagnie a commencé à promettre 32 pépites par biscuit. Plus tard, ils ont reculé un petit peu à 24. Là. Peut-être que c'était trop, 32. Mais c'était donné. La belle époque. Ouais, c'est ça, exactement. Je sais pas s'il y a encore des boîtes à 32 pépites sur eBay, genre. Oh. Ils ont changé le slogan pour « Betcha by the chip ». Et pendant la prochaine décennie, Chips Ahoy vantait le nombre de pépites, plutôt dans le sens du nombre de pépites par boîte. Donc, 1000 pépites par emballage. C'est ce qu'il disait. C'est arrondi, probablement. Plusieurs enfants de troisième année ont pu recevoir un petit peu d'attention partout au pays lorsqu'ils ont défié justement la compagnie et ses 1000 pépites. C'était en 1996, une classe de troisième année de Wadesboro en Caroline du Nord a compté seulement 680 pépites dans un emballage de Chips Ahoy et ils ont écrit à Nabisco pour manifester leur mécontentement. La compagnie a fait un recomptage en public, un peu comme lors d'une élection, hein, et finalement les enfants avaient seulement compté les pépites sur la surface du biscuit. Une fois que les biscuits ont été dissous dans de l'eau, tu sais que le chocolat font pas parce que du chocolat fait pour ça. On a pu voir seulement les pépites de chocolat et le total était de 1181 pépites. C'est quand même 500 pépites de plus, donc à l'intérieur du biscuit. Les ventes ont augmenté de 20% à cause du recomptage, donc ça a vraiment bien fonctionné. Merci enfants de troisième année d'avoir défié Nabisco. Pareil. J'espère qu'ils ont eu quand même une bonne prime, même s'ils nous ont pas bien compté. Pour vrai, ça mérite des boîtes d'Oreo pour cette classe-là pour le reste de la vie. Là. Oui. Ça va faire vraiment des emprunts. Les enfants ont pris, ça va être incroyable. Mais au moins, ils vont être heureux. C'est ça. Et ça va être juste en Caroline du Nord, c'est à Wadesboro. Ensuite, il nous en reste quelques-uns des faits sur Chips Ahoy. Les cadets des forces de l'air américaines étaient parmi les participants dans le concours des 1000 pépites de Chips Ahoy. Après le recomptage en Caroline du Nord, Chips Ahoy a lancé une campagne de comptage de pépites en 1999. Et ils ont défié le public à confirmer créativement le nombre de pépites dans chaque biscuit. Donc, ils ont attiré des participations, entre autres, de l'Académie Air Force Academy. Ils ont analysé 42 sacs pour conclure que 93% des sacs contenaient effectivement plus de 1000 pépites. Donc, c'est pas des niaiseries. Ils savent ce qu'ils font, Nabisco, là. C'est plus de 1000 pépites. Hein? Ensuite, c'est connu pour inciter un petit peu de violence, par contre, mais seulement dans l'Illinois, les Chips Ahoy. À deux occasions, Chips Ahoy a été impliqué dans des crimes sérieux. Une femme de Decatur en Illinois disait en 2014 que sa colocataire était devenue hystérique après avoir mangé 3 biscuits pour déjeuner. Et après ça, elle essayait de l'étrangler dans le bain. Dans un bain de lait? Ah! Oh, et avec 1000 pépites autour du crime, de la scène du crime, c'est quand même... ailleurs dans l'État, l'année suivante, en fait, dans le même État, mais l'année suivante, la police de Belleville a répondu à un appel de balles qui avait été tiré. C'est une chicane à cause d'un sac de Chips Ahoy et 8$ américains. 8$ américains et un sac de Chips Ahoy. C'était ça l'argument, tu sais. Mais aussi, ça peut sauver des vies. En mars 1985, 4 pêcheurs ont été sauvés après avoir passé 42 heures dans un raft dans le Nantucket. L'équipe avait été forcée d'abandonner son véhicule après une grosse vague qui avait mis de l'eau dans le moteur du bateau. Bref, ça a fait couler le bateau, c'est ça? Oui, et les 4 hommes ont survécu pendant presque 2 jours dans des conditions très difficiles, en partie parce qu'ils avaient 5 sacs de leurs biscuits préférés pour les garder... rassasier, mais aussi les faire flotter peut-être, je sais pas. Après avoir été sauvé, un des pêcheurs a donné l'explication suivante. Tout le monde a prié et a mangé des Chips Ahoy. Sans Dieu et ses biscuits, nous n'aurions pas survécu. Les biscuits nous ont sauvés. Wow, et ça, je sais pas si ça a augmenté. En fait, je sais pas si les gens qui sont plus croyants ont acheté davantage de biscuits depuis ce temps-là. Parce qu'en tant que tel, peut-être qu'ils pensent que c'est Dieu qui a créé les Chips Ahoy. Ah. Parce qu'en tant que tel, si Dieu a créé un humain, l'humain a créé le Chips Ahoy, donc c'est... Dieu par association. C'est pour ça que ça a un goût divin. Ah, oh, wow. C'est Kéten Ross. Et pour terminer, Chips Ahoy peut être la base, un peu comme les Reese's, de toutes vos recettes préférées. Hein? Chips Ahoy, c'est délicieux en tant que tel, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire quelque chose de plus avec ça. Mandalay, pareil comme Hershey tantôt, un site web de recettes pour les Chips Ahoy. Il y a entre autres, attention, Chips Ahoy Sweet Plantain Quesadilla. Une quesadilla ou, tu sais, plantain, là, c'est pas des sortes de pas de bananes, ça? Ben, plantain, ouais, c'est comme une espèce de... Mais t'es obligé de frire pour que ça soit mangeable. Bon. Tu peux pas manger ça comme ça, faut que ça se frire. Donc ça et les chips Ahoy dans une quesadilla, c'est particulier. Hein? Sinon, il y a aussi un gâteau de fête qu'on peut faire avec des chips Ahoy. Et bien sûr, moi, j'aime beaucoup aussi les petits œufs chips Ahoy. Tu sais, les œufs de Pâques, là. Tu sais, t'en as avec la crème des deux, là. T'en as avec du caramel, puis t'en as avec des Foggio. OK. Et t'as des chips Ahoy. Très bon, chips Ahoy. C'est pas tout le monde qui les aime, par contre, parce que c'est très intense comme goût. Oh. Très intense. Bref, moi, je le conseille quand même. Voilà, c'est tout pour Son Foutu Palmarès. On a parlé de Reese's, on a parlé de Chips Ahoy, et les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une pause au retour. Léa Tessier va être avec nous pour son mash-up musical dans quelques instants. Yeah! Yeah! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 15 mars 2018. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a congé aujourd'hui. Encore une fois, son mal de gorge et sa voix ne sont pas présents. En fait, le mal de gorge, lui, est présent, mais sa voix n'est pas présente. David Ferron est là pour compenser aujourd'hui. Re-salut. Salut David. On accueille ensemble Léa Tessier, notre chroniqueuse de mashup musical, elle qui prend des styles musicaux et les fusionne ensemble. En fait, c'est pas elle qui le fait, c'est les artistes. C'est eux qui mélangent les styles musicaux. Mais on a besoin de Léa pour pouvoir les connaître. Les exposer un petit peu. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. De quel style fusion est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être le jazz rap. Jazz rap. Ouais. Tu vois là, ça là? Là, c'est comme les extrêmes parce que le jazz, c'est super calme. Le rap, des fois, c'est dans ta face. Hein? Fait qu'ensemble, le milieu, peut-être qu'on va trouver quelque chose de bon. Un équilibre. C'est ça. Qu'est-ce que c'est du jazz rap? Ben, c'est la fusion de jazz et de rap. Wow. Déjà, là, je me sens intelligent de savoir ça déjà à l'avance. Et ça date de la fin des années 90. OK. Du coup, je vais parler un peu du jazz. Oui. Et après, on écoutera une musique. Bonne enfin, idée. Si vous voulez bien. J'approuve. Du coup, le jazz, ça vient de la Nouvelle-Orléans. Mm-hmm. C'est les Afro-Américains qui ont inventé cette musique. Et c'était très populaire à partir de la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Donc c'est vraiment très vieux comme musique. Ça vient du blues, qui avait un rythme lent et répétitif. Un peu, en fait, c'est toujours le même rythme à la basse et à la batterie. Okay. Du coup, ça fait assez répétitif. Voilà. Donc ce qui est dessus, c'est les paroles qui viennent rendre ça plus différent. Un peu comme le rap. Ouais. Des fois, la musique en arrière passe un petit peu plus inaperçue, dépendant de l'artiste. Voilà, on en parlera tantôt. Hein. C'est pour ça que ça fait ensemble, sûrement. Je sais pas, là, je m'avance. Ah. Hein, j'ai des théories. sinon, en fait, il y a deux choses qui caractérisent le jazz. C'est l'effet d'appel et de réponse dans la musique. Alors, en fait, c'est une succession de notes. Enfin, c'est ce qu'on appelle une phrase musicale, une courte phrase musicale. Mm-hmm. Et en fait, il y a une autre phrase qui vient lui répondre. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ok, ouais, je comprends. C'est pas un peu comme un canon. Tu sais, des fois, un canon, ça va être la même phrase qui va se répéter deux fois, là, mais là, t'aurais une phrase, puis l'autre qui commencerait en cours de route, puis qui est pas la même phrase musicale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mm-hmm. C'est un peu. C'est un musicien qui fait une mélodie, et ensuite un autre musicien qui fait une autre mélodie juste après, mm-hmm. et c'est comme s'il se répondait parce que c'est juste après. Ouais. Et un voilà. Ping-pong musical. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Un ping-pong musical. C'est bien quand même. Voilà, et sinon l'autre truc qui caractérise le jazz, c'est le swing. Ouais. Mais ça, c'est un peu difficile à décrire, c'est une sorte de sensation en fait. C'est une sensation de balancement dans la musique. De mouvement musical, ouais. On se balance et puis c'est créé dans l'interaction entre les musiciens et ça crée une sensation calme et chaleureuse et voilà. C'est vrai que c'est fun. Et sinon, les instruments principaux, c'est le piano, le saxophone, la batterie. Et voilà. Et voilà. On va écouter un premier extrait donc, qui représente très bien le jazz rap. Oui, c'est alors ça? En fait, c'est du jazz moderne. OK. Enfin, j'ai choisi une artiste moderne parce que fin 19e siècle, c'est, ça fait loin quand même. Et donc, c'est Esperanza Spalding. David, qu'est-ce que tu disais sur Esperanza Spalding tantôt? Ben moi, j'aime sa voix. OK, une voix puissante. Parce que musicalement, c'est sûr que c'est très apaisant, mais elle a une voix... Il y a quelque chose de spécial avec sa voix, je trouve. Ça, c'est sûr que c'est une voix qu'on a déjà entendue, mais ça se moule très bien avec, ça se moule très bien avec sa musique, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Léa. C'est très joli. Ouais. Oui. On l'écoute, puis on en parle après. Donc, voici la chanson « I Know You Know ». À son âge requis, c'est le mash-up musical. Esperanza Spalding avec I Know You Know dans un petit bloc mashup musical avec Léa Tessier, qui est toujours avec nous. Aujourd'hui, on parle de jazz rap. Ça, c'est facile à retenir, ce coup-là. Des fois, tu me sors des noms. Là. C'était quoi l'autre fois que j'arrivais pas à retenir? Je me souviens pas. Non, c'est ça, c'était compliqué avec trop de syllabes. Mais là, jazz rap, on se comprend. Et comme on a parlé de jazz tantôt avec Esperanza, là, ben, avant Esperanza, là, on peut parler un petit peu de rap. Oui. Donc, je sais pas si vous le savez, mais ça fait partie de la culture hip-hop. J'entends te dire, oui, hip-hop. Ouais. Le hip-hop, c'est constitué de 5 éléments. En mm-hmm. fait, on a le rap, le DJing. Enfin, ouais. c'est mixer des musiques. Wink-a-wink-a. Voilà. Ah ouais, c'est dans la famille hip-hop. Ben oui, ben oui. Apparemment, ouais. Wow, puis là, c'est devenu plus dance, mais bon. Ouais, c'est ça, exactement. C'est devenu un petit peu mainstream, pas mal. Mm. Sinon, c'est constitué du breakdance, du graffiti aussi. Ah oui, c'est vrai. Et parfois, on met dedans les vêtements, enfin, mm-hmm. la mode et l'histoire du... ou l'histoire du hip-hop. Ouais, c'est comme un mot pour englober toute la culture autour. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Le mais rap, souvent, c'est son instrument musical, parce que c'est bien ça. Le rap est un style musical dans le hip-hop, c'est ça? Ouais, c'est ça. On dit souvent hip-hop pour la musique, c'est-à-dire en fait le rap plus le DJing. Enfin, mm-hmm. Du coup, ça fait de la musique. Ouais, et l'attitude. Ok. Ouais. Donc, en fait, le rap, ça a commencé avec les Ghetto Brothers. Désolée pour l'anglais. en fait, c'était un groupe à New York qui faisait des block parties. C'est des grosses fêtes de quartier, si on veut. Ouais, voilà. Ouais. Fêtes de quartier, ouais. Oh, c'est vraiment laid en français de dire ça. Oui. Bon, est-ce qu'on s'organise une petite fête de quartier? Ouais, ça fait entre voisins un peu. Ouais, c'est ça. Barbecue, boulette. Block party. C'est ça qui est plus approprié. Ben oui, block party, c'est ça. Et du coup, c'était fait pour briser les barrières en fait, entre les blancs, les noirs, les portoricains, les afro-américains. Voilà, ils étaient considérés comme un gang et un groupe de musique à la fois. Ok. Donc apparemment, ça aurait commencé là. Et sinon, il y a aussi un rappeur qui était surnommé Cowboy. Et en fait, il s'était moqué d'un de ses amis qui partait dans l'armée. Et en fait, il faisait hip-hop, hip-hop. Pour imaginer la marche des soldats, en fait. Hip-hop, hip-hop, hip-hop. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, il l'a utilisé dans ses musiques. Et le terme hip-hop viendrait de là. Bon, tu vois. Quand tu fais niaiser, il faut que tu te l'appropries. Puis tu utilises ça pour toi, à bon escient. Et donc aujourd'hui, c'est le genre le plus écouté aux États-Unis. Okay. Devant le rock. Ah oui. Et bah c'est très apprécié aujourd'hui. En fait, les rappeurs, ils sont considérés comme des poètes, alors qu'avant, c'était pas très apprécié, pas très populaire. Enfin, voilà, c'était vraiment les rejetés qui faisaient cette musique. Ouais, parce que ça, quand on pense à du rap, on pense tout le temps à violence, tir de gun, etc. Mais c'est plus que ça. Il y a plein d'autres branches dans le hip-hop. Est-ce qu'on en écoute un petit peu du jazz rap? Tu vois, j'allais déjà l'oublier. Jazz rap. Alors, c'est un artiste qui s'appelle Le Cray. OK. Et L-E-C-R-A-E. Voilà. On se demandait si c'était Le Cray, Le Cral, Le Crew, Le Crew. Je sais pas. Et il est pas très... Je trouve qu'il est pas très connu, du coup... Enfin, je veux bien mettre une musique de lui, quoi. Ouais, ben c'est pour le faire connaître un petit peu. Donc, c'est la pièce Always New, tout de suite, dans le bash-up musical. On avait No tantôt, là, on a New. Fait qu'il va rester les autres temps de verbe, peut-être. Yeah. This right here is dedicated to... my family, my friends, my lady, everybody that held me down. Shine a light on me, you shine a light on me. You know what I mean? You shine a light on me, you shine a light on me. Y'all a bright light in my life, you feel me? Yeah, hey, shine a light on me. Learned a lot over these last few years. Industry people ain't friends, just peers. I learned that these girls easy like the morning of a Sunday. They don't love you till you're gone like a Harambe. Still killing over colors, now it's black and blue. We dying every day, B, we just don't make the news. When you speak out for your race, just watch. They gon' twist and say you hate these cops. I'ma take your shots. How can he love Jesus, Kanye and K-Dot? Martin, Malcolm and Schaefer, Mitsubishi and Maybach. Contradictory, nah, it's complimentary. Understanding me ain't for the simple and elementary. Oh, I know this might go over some heads, but I come from being government fed. Could be running from feds, but now I give the government bread. Cause you playing back the words that I said. I can't believe we made it through. Yeah, yeah, yeah, my mama say she ain't surprised, told me that she always know. Yeah, yeah, yeah, my dead ones to the same ones, love to the crew. Yeah, yeah, yeah, I told my lady I ain't never met nobody like you. Like you, thank you. Thank you. I remember, I was sitting in my room, glued to my television daily after school. And I never saw me going to college. How you learning was a different world, I can acknowledge. I used to imagine me in a black range, getting paid from doing this little rap thing. And now I'm paying these professors couple thousand for a lesson. Graduated in recession, Sally Mae just wanna check and I'm stressing. Rap music, it was all a dream. Now I'm in a session chasing my dream. Who would've knew, man, it's crazy. S1 introduced me to Jay-Z. Never met my dad, but I met the music that raised me. I know this might go over some heads, but I come from being government fed. Could be running from feds, but now I give the government bread. Cause you playing back the words that I said. I can't That's believe crazy. We made it through. Yeah, yeah, yeah, my mama say she ain't surprised, told me that she always knew. Yeah, yeah, yeah, my dead ones still the same ones, love to the crew. Yeah, yeah, yeah, I told my lady I ain't never met nobody like you. Thank you. Listen, I know God did it, can't take the credit. Paid off all of my debts, but I still feel so indebted. Been all over the world with these songs I wrote. My life story ought to give y'all hope. Without a doubt, I've been doubted and counted out. I've been down for the count, about to quit. Mama told me keep going, cause I was made for this. I either get a scholarship or I could get a hit. I still can't believe I made it. I can't believe we made it through. Yeah, yeah, yeah, my mama say she ain't surprised, told me that she always knew. My dead ones to the same ones, love to the crew. I told my lady I ain't never met nobody like you. Thank you. You shine a light on me. You shine a light on me. You shine a light on me. You shine a light on me. Le Cream avec Always New dans le mashup musical de Léa Tessier. Aujourd'hui, on joue du jazz rap. C'est ce qu'on découvre ensemble. Puis je pense que ça a du succès quand même. On aime bien. On se faisait aller à la tête pas mal. Ça a bien du sens. Toi, t'as aimé ça, Léa? Oui. Ouais. Oui, j'aime bien. Est-ce qu'on avait d'autres choses à mentionner sur ça? Quoi? Est-ce qu'on avait autre chose à mentionner sur le jazz rap avant de se quitter? Du coup, oui, on va enfin y venir. Ouais. Le jazz rap. Oh, là, c'est ça, exactement. Parce que t'as parlé de jazz et de rap, mais on n'a pas parlé de jazz rap pendant. Donc en fait, le jazz rap, c'est des rappeurs qui samplent des morceaux de jazz. On avait parlé des samples, un jour, ouais. Avec des couplets rap. Et c'est une tentative en fait pour moderniser le jazz et étendre les horizons du rap. Voilà. Et sinon, j'ai trouvé une musique en fait d'un groupe qui vient de Toronto. Qui s'appelle Bad Bad Not Good. Oh! Oui, on les a déjà eus sur le palmarès. Oui, c'est, oui, c'est excellent ça. Ouais, c'est très bon choix. Ils ont fait des collaborations avec beaucoup de rappeurs. Et la musique qu'on va écouter, c'est une collaboration avec Ghostface Killah. Il y a l'air méchant, tu sais. Ghostface Killah. Ouais. C'est un son qui est assez. Tu connais un peu? Un tout petit peu. Ok, ok. On va voir comment ça se mélange. Hein. Mais je suis sûr que Léa connaît plus ce gars Killah que moi. Non, oui. Non, tu connais pas tant que ça. L'important, c'est Bad Bad No Good. C'est ça. Donc, on les écoute. C'est la pièce Gun Showers, tout de suite, dans le mashup musical. Inflation. If you hit the rock bottom of the asphalt, it's likely your ass fault. My lines of cocaine, the flow is bath salts. I'm a for sure don, no one in your circle can box me. This like an oxymoron. I've learned when building your empire, gotta shake the snake in the grass and spark sharks to swim by you. Cause every meathead that speaks street cred ain't banging heat lead and probably cut like sweet bread. Wet in these sheets spread, so nigga holler. I coin phrases to trigger dollars. It's butterfly like them shirts made with bigger collars. Women dig the scholar, the broad stiller, who lay him face down and ass up like a car dealer. The time ceases, I'll keep a bear with dime pieces as I palm another phenomenon rhyme thesis. Cause on the contrary, I get it popping like Don Perry. I'm beyond Tom, Harry, and Dick. You can declare me as sick. Highly contagious, bath salt flows, leaving bodies all on stages, locked behind cages. Dawn of all ages, it's Ghostface, nigga never pleading the cases. But I plead the fifth, fourth, fifth by the belt buckle. Crack stone face niggas with the steel of a knuckle. Go ahead and chuckle. I have uncle murder your goons, hoes and balloons. ODing on flights from Columbia. Pull your tongue through your neck when the cartel's done with you. Supreme talk wars, verbal holocaust, I'm a thriller. Have them jumping out they sleep, wigs hand me a Miller. Shaky dogs sitting in they shoes. My iron monkey spit banana clips with thick trash like Terry Crews. Silverbacks with high tracks, fucking relax. Got a duffel bag full of gun suns dipped in black. My culture, rising attacks just like a vulture. Ghostface, the next Escobar Sosa. Ghostface Killer et Bad Bad Not Good, mais surtout Bad Bad Not Good avec Gun Showers featuring LZ. Donc pas mal de monde sur cette chanson-là dans le mashup musical de Léa Tessier. On a parlé de jazz rap aujourd'hui. On a parlé de jazz, on a parlé de rap et on a parlé de jazz rap. C'était facile à comprendre. Hein? Quand même? N'est-ce pas, Mathieu? N'est-ce pas, Mathieu? Dit-il, le gars qui, à chaque semaine, fait la même erreur, mais un jour, la dernière. Mais t'es capable. Parfait. Mais t'es capable. Merci beaucoup de croire en moi, David. Oui. Ouais. Merci, Léa, aussi. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours, là, c'est rendu stable. On est officiellement le jeudi avec toi. Ouais, c'est ça. Il y a eu une petite confusion. On était plus sûr jeudi, lundi, lundi, lundi. Mais c'est les jeudis à 7h30. Léa Tessier, merci beaucoup. Dans quelques instants, à Assemblage Requis, on va continuer ça avec un nouveau. Léa n'est pas là depuis énormément longtemps. C'est une des plus récentes additions à l'émission, mais là, on a quelqu'un qui commence aujourd'hui. Oh! Mathieu Janvier va être avec nous tantôt pour parler de jeux, jeux de table, jeux de société, des trucs comme ça. Oh. Mais avant ça, on a encore un petit peu de temps, donc écoutons un petit peu de musique francophone pour faire changement. Mais et, qu'est-ce qu'on écoute? David, je te dédie encore une chanson. Laquelle? Tantôt, je t'ai dédié Fatigue. OK. Là, je te dédie Les yeux fermés. Par Dylan avant. Bientôt, ça va être Coma. C'est ce Coma et Tilly. Non, David, il travaille fort, il est tout à fatigué. Courir, à quoi bon courir? Reste jusqu'à demain matin. Si ensuite tu t'éclipses, je ne dirai rien. Je n'ai pas, non, je n'ai pas. Perdu espoir, redis-moi de ces choses qu'on ne dit que dans le noir. Une fois la nuit tombée, on se voit mieux les yeux fermés. À quoi bon courir? Tu finis toujours chez moi. Le ciel peut s'effondrer, ça ne veut plus rien dire pour moi. Tu sais, oh oui, tu sais, je ne t'en veux pas. Je garde ton secret, silence. Une fois la nuit tombée, on se voit mieux les yeux fermés. Une fois la nuit tombée, ah, ah, comme deux adolescents. Pourras-tu me pardonner? Je ne sais pas comment t'oublier.

puis de la stratégie quand même. Génial, ce sera dans la prochaine chronique. Donc, on va faire ça tous les jeudis. C'était la première aujourd'hui. Chronique sur les jeux de société, jeux en général, jeux de table, jeux de peu importe. On va faire ça tous les jeudis matin à 8h avec Mathieu Janvier. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bye bye. Voilà, donc on va continuer ça en musique avant de passer à ta chronique, David. De quoi tu parles tantôt? Oui, on a une pause, mais on a de la musique aussi. Non, mais à un moment donné, il faut bien écouter de la musique. C'est la fatigue. Je suis pas. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique tantôt, David? Comme je l'ai expliqué un petit peu en début d'émission, j'ai une invasion de poules de la part d'Israël. Oui, ton histoire de poules. Oui. Le punch s'en vient, là. Vous allez l'avoir dans la tête, puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Oui, Gangnam Style est en danger. Ah, ouais. Despacito aussi. Yark. Wow. Je vous présente la prochaine tendance des chansons Velcro 2018-2019. Et comme des Velcro, c'est quelque chose qui que je veux pas avoir sur mes souliers. Mais c'est entraînant. C'est ça, OK. Ça vous met de bonne humeur. Avant ça, David, avant ta chronique de la carte bleachée, on va parler du autre campus aussi, je te présente d'autres chansons sur la fatigue. Aujourd'hui, je t'ai présenté que des chansons sur la fatigue. Et on continue avec Nap Eyes, comme des yeux de sieste. Voici I'm Bad. Pardon, je le compte. Tout ensemble à jouer. Disappointment haunts everyone, but if it's you worst of all, but you try to mean it though, but nothing gets past you now, 'cause you always see it come. Said it moves even slower than you, which is amazing, 'cause you're so dumb. I tried to talk to you and call you wrong, but you'd get angry and you would suck your teeth at me. Don't want no answers when you got no questions. But if it's you worst of all, it's past you now. cause you're so dumb. Assemblage Rocky en ce jeudi 15 mars 2018. Moi, c'est Mathieu Plante. Pour ceux qui ne savent pas, moi, c'est Mathieu Plante. Salut Mathieu Plante. Talia Baudin en congé aujourd'hui parce qu'elle n'a pas de voix. Par contre, je l'ai dit, mais tantôt, on va peut-être avoir une petite visite surprise. Oh! David Ferron qui est là pour remplacer Tania aujourd'hui. Ça va toujours, David? Oui. T'es frais et dispo, bien éveillé. Avec les trois chansons que je t'ai jouées en l'honneur de ton sommeil. Mais c'est pas des chansons fatigantes, fait que ça va. Non, c'est ça. David, t'es là aussi pour deux chroniques. Non seulement tu connais avec moi aujourd'hui, ouais. Mais t'as deux chroniques. Tantôt, on va parler de l'Eurovision, bien sûr, dans ta carte bleachée. Mais avant ça, on commence avec la chronique Zone Campus. Yeah! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, c'est le média étudiant ici à l'UQTR et David Ferron est le chef de pupitre, donc celui qui travaille en collaboration avec la rédactrice en chef pour des tâches qui se partagent sans qu'on sache vraiment laquelle va où. Là. En gros, je suis plus le community manager, le gestionnaire de communauté. Fais pas ton français. Community manager, ouais, du coup. Mais Marie, c'est sûr qu'en France, ils appellent ça comme ça parce que Marie, elle est française d'origine. Marie Labrousse, la rédactrice en chef. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est sûr qu'elle, elle appelle ça le community manager, ce qui est normal parce que... Non! Les Français qui choisissent de parler en anglais tout le temps, je trouve pas ça normal, je trouve ça différent. De ce qu'on fait ici, c'est-à-dire traduire en français parce qu'il y a un mot pour. Oui, parce que peut-être qu'en France, on est moins complexé par rapport à la question de la survie linguistique. Il y a ça, oui, c'est sûr que c'est un facteur auquel j'adhère plus ou moins, là, mais c'est juste que je trouve ça laid. Community manager. Ben, c'est parce que ça n'a pas de sens de le dire en anglais. Gestionnaire de communauté. Oui. Mais communauté de quoi? Ben, community de quoi? Ouais, c'est ça. T'sais. En tout cas, moi, je dirais peut-être un gestionnaire de réseaux sociaux. Ouais. Hein? C'est pas pire, ça? On va dire ça comme ça, bref. Mais c'est de corriger des textes qui sont sur le blog, plus dans la section électronique Zone Campus. C'est ça. T'es le gars trendy à la mode qui veut faire monter le nombre de visionnements de chaque article sur le blog. Et sur quoi est-ce que le Zone Campus travaille en ce moment, David? Présentement, en fait, c'est sûr que c'est un peu plus tranquille, mais le mois de mars, absolument, au niveau... En fait, sur le plan événementiel, ça va être très achalandé parce qu'il y a les concours de SI, les remises de prix, les concours d'affiches scientifiques notamment. Je disais des concours de SI, mais ça parle d'affiches scientifiques. Que ce soit plus précis que ça. En fait, ma thèse en 180 secondes oui. aussi qui s'en vient, les distinctions aussi. Donc, ça va être un mois assez occupé. Et là, par contre, nous, sur le plan du sport, c'est un peu plus tranquille parce qu'il n'y a eu que du soccer la fin de semaine dernière et ça va. Et la saison s'est quand même relativement bien terminée pour les hommes parce que le début de saison de soccer intérieur pour. Parce que les Patriotes ont deux équipes de soccer, une féminine et l'autre masculine. Ouais. Donc, pour le soccer féminin, en fait, est-ce que ça s'était bien passé plus ou moins? En fait, c'est une défaite de 4-3, mais ça permet quand même à Alexa Dallard, qui a marqué deux buts, d'être nommée Patriote féminine de la semaine. Du côté du soccer masculin. Comment ça s'est passé? Parce que là, ils ont commencé à remonter, monter. Après un début de saison assez plus difficile, disons, là, ils ont gagné 4-2. Bon. Mais là, il faut dire quand même que les deux équipes, même si, par exemple, l'équipe féminine de soccer se retrouve dans le dernier rang, elles font quand même les séries. L'équipe fait quand même les séries. OK. Même chose pour les hommes, peut-être que c'est là qu'ils vont pouvoir prendre leur vengeance. Revanche, ouais, on dit en français, c'est revanche, revenge. Non vengeance. C'est non, vengeance, c'est différent. Ah oui, pour vrai? Ben, je sais pas, la revanche, c'est plus essayer de reprendre le dessus sur quelque chose qui t'a été un petit peu... Ça sonne pareil, pour vrai. Prendre sa revanche sur quelqu'un, sa vengeance. Non, se venger, on dirait que revanche, un petit côté peut-être fair play, mais peut-être pas non plus. Ou sexuel, ça... tu parles? Non. On va se renseigner là-dessus. Mathieu, t'es coquin. Ah, je sais. T'es coquin et lubrique. Lubrique, OK. Oui. Lubrique. Ça, c'est comme une coche au-dessus de coquin. C'est pas un verre de terre, ça? Non. C'est un lombri, non. Lubrique, en fait, là, mettons, t'es coquin. OK. Disons, c'est entre pervers et coquin. Parfait. Entre pervers et coquin. Je retiens ça. Ben, en fait, c'est ça qui manifeste un fort penchant pour la luxure étant le sexe. Wow. Donc, oui, petit schnappant. Maman. Donc, heure et spectacle, il y a eu le vernissage à l'atelier Silex, un vernissage quand même assez intéressant qui est là parce qu'on met de plus en plus en avant des expositions, pas nécessairement de peinture de toile, mais de plus en plus numériques. Tandis que là, l'atelier, c'était en fait le 2 mars dernier à l'atelier Silex et c'était l'artiste Caroline Lambert qui nous présentait en fait sur la dualité d'un projet parce que les artistes posent plusieurs questions et Caroline Lambert, c'est un projet qu'elle a travaillé tout le mois de février en fait et le mois de mars, c'était en fait le 2 mars, c'était le vernissage de l'œuvre de Caroline Lambert. Mmh. Donc, qui est basée sur, en partie sur le numérique. Il y a également eu La Limette qui est un espèce de match spécial de la LIM. Ouais, c'est cool, c'est comme des impros longue durée. Oui, qui est, selon Marianne Chartier-Blanger, qui est l'auteur du texte. En fait, de l'improvisation à l'américaine, c'est-à-dire des longues improvisations. Je pense qu'il y a eu juste 4 improvisations, mais longues. Ouais. C'est intéressant, puis il paraîtrait que ça sort justement des personnages. Les personnages sont davantage développés. Donc, il faut quand même être bon pour être capable de tenir une histoire longuement. Là, parce clairement, qu'il y en a ouais. qui sont très bons pour être punchés, pour être dans l'immédiat, mais un bon acteur, un bon improvisateur, à mon avis, est capable d'étirer la... Ben, pas d'étirer la sauce parce que c'est péjoratif, mais de faire durer le plaisir. Disons. Exactement. Et les joueurs qui ont joué à la limite sont des joueurs d'expérience de la limite. Je me rappelle qu'il y avait Louis-Étienne Villeneuve, entre autres. Alexandre Carignan. Oui, Alexandre Carignan, effectivement. Des gens qui sont dans l'improvisation depuis longtemps. Ben oui. Et quand t'es capable de faire des courtes durées et que ça te manque, tu manques de temps, ben là, t'as la limite pour pouvoir compenser pour ça. Ben oui. C'est une bonne idée, j'ai hâte de voir ça va revenir. Et en plus, le visuel est très intéressant par notre ami Alexandre Laramiswiki. Oh, allez voir ça à plus, la page de la Limette. Oui, parlant justement en fait de journalistes et de collaborateurs, on a Audriane Clavet qui nous parle des Mardis de la Relève. Ça, c'est le concours organisé par le Gambrinus à chaque début de mars et ça dure jusqu'au mois de mai. Et là, c'était la première quart de finale qui a eu lieu au Gambrinus. Mm-hmm. Donc pour les Mardis de la Relève. Donc qui va être le groupe ou l'artiste de la relève qui va pouvoir ensuite sortir un disque et le lancer l'année suivante. Oui, on sera dans un nombre de mois parce que c'est vraiment un long concours à longue haleine. Oui, et là, on est dans les chroniques. Les chroniques, il y a la chronique de Magali Boisvert qui nous explique comment bien vivre de manière écologique sans vous ruiner ou devenir fou. Donc, ça a l'air simple chez Magali, justement, d'avoir un mode de vie écologique sans devenir fou. Et là, elle nous explique que la pollution numérique, ça existe. Et que parfois, Internet, c'est pas si écologique que ça. Donc, Magali nous explique ça et jamais en étant moralisateur. Non, c'est ça. C'est toujours des conseils. Oui, parce qu'elle, elle explique, ben, je suis pas parfaite, mais j'essaye, puis je vous montre comment je fais ça dans la mesure du possible. C'est ça, c'est bon d'au moins essayer. Tu n'es pas obligé d'être à 100%. Oui, puis elle a un ton humoristique. Mm-hmm. Donc, par la suite, en actualité, c'était le Startup Weekend en début du mois et c'est une entreprise d'application d'alcool, si je peux dire ça comme ça, qui a gagné le prix et il y avait plein d'étudiants là-dedans qui se sont impliqués, par exemple, Alex Marchand, qui était dans l'équipe, puis... Joueur d'improvisation, on pense. En fait, Alex Marchand, qui était l'ancien... Oui, l'ancien président de la JUCTA, qui était aussi un ancien de la lutte, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Ah, il y avait donc, deux j'avais raison, en fait. Mais j'étais correct. Ben oui, parce qu'on a une experte avec nous de la huître. C'est pas encore arrivé. Non, moi, je suis stressant. C'est comme go-go arrive. T'es dans ta chronique, c'est ta place. Donc, c'est Hublon, l'équipe qui a gagné Hublon. Le Startup Weekend. Hublon, U-B-L-O-N. Ensuite, il y a eu le psychologue. Ça, c'est une espèce de compétition entre les délégations de psychologie du Québec, mais également de Moncton. Mm-hmm. Et c'était un peu, en fait, un beau prétexte pour rencontrer les diverses délégations en psychologie. Ouais. Donc, et deuxième place pour notre délégation de l'UQTR. Hey. C'est pas mal tout pour le Zone Campus. Et cool, ça. Oui. Zone Campus, qu'on peut lire sur la page Facebook, bien sûr, Zone Campus, et sur zonecampus.ca pour le petit blog. Puis format papier aussi. Oui, format papier, oui, et accessoirement, une fois par mois. Il y en a un autre pour le mois d'avril, il faut croire, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. C'est dans le coin du début du mois d'avril. Là. C'est 7-5-7. Préparé avec amour par Marie et toi. C'est ça. Merci, David Ferron, community manager, ainsi que chef de pupitre du Zone Campus. On le dit pas en anglais, chef de pupitre. You're the chef de pupitre. Pupitre board, je sais pas. T'es le pupitre chief. C'est malade, ça. Le pupitre chief, David Ferron, au Zone Campus. Mais là, en plus qu'on a une collègue qui s'en vient. Okay, on va l'amener. David n'est pas capable de pas amener le monde en ongles. Marianne Chartier-Boulanger, du Zone Campus. Salut. Salut. Bonjour, bonjour. Bonjour, mais elle n'est pas là pour parler, en fait, du Zone Campus. Fait que, ça a vraiment rapport. Ouais. Mais pour un ni autre... d'impro. Ni d'impro. Pour un autre beau projet. Elle parle pas d'impro, mais là, son café d'impro. Ouais, je trouvais pas ma tasse de café ce matin, puis là, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Un pot maçon. Un pot maçon. Ben, c'est une bonne idée, pour vrai. Ouais. Bref. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tantôt, David, avant de passer à Marianne pour parler d'une ruelle des arts, tantôt, on a parlé ensemble en ronde d'Hubert Lenoir. T'es allé faire une petite recherche sur lui, t'as vu qu'est-ce qu'il faisait un petit peu. Tout le monde parle d'Hubert Lenoir. Oui, c'est la tendance. La tendance, il trend. C'est vraiment bon. Oui, hein? Ouais. T'as envie d'entendre une pièce de lui, hein? Oui, oui, vraiment. Ouais, ça te fait vraiment bonheur. Ah, ça fait plaisir. Voici Fille de Personne 2 tout de suite sur le palmarès francophone. À son âge, suis venu te dire que tu peux changer. J'ai eu un avenir de femme libérée. Oui, supporter le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai eu un avenir de femme libérée. Oui, supporter. Avec Fille de personne 2 à son âge requis. Marianne, est-ce que tu sais s'il y a une Fille de personne 1 sur l'album? Oui. Il y en a une. Trois. Hein? Trois filles, mais c'est pas la même fille à chaque fois. Ça. Ah. Ah, c'est un mystère, ça, un album concept, c'est quoi? Oui, en fait. Ah, ben, Caroline. Hey, oui. C'est bon à savoir, ça. On devrait se renseigner nous-mêmes avant de se demander. Marianne Chartier-Boulanger, on te retrouve après la pause pour parler de la Ruelle des Arts. Oui. Ça s'en vient, mais pour l'instant, c'est ça. On se prend la pause, on s'en débarrasse. Non, non, on écoute la pause avec oui, attention, on c'est ça. Oui. À son âge requis. Assemblage de qui? Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage de qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? C'est la troisième heure d'assemblage requis, presque, en ce jeudi 15 mars 2018. Ouais, 8h57, ça va. Mathieu Plante et mon nom, Tania Baudin, congé aujourd'hui à cause de sa voix. Malheureusement, David est là pour la remplacer. David Ferron. Salut. Salut. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais, ben oui. Si Tania était là, elle n'aurait pas de voix, mais elle dirait des réactions probablement. Genre, elle ferait comme « Hey, David Ferron est là! » Et là, j'entendrais... Comment? Comment? Ah, ben oui, c'est... Tu vas lâcher de même, Mathieu, comme... C'est Tania qui continue à parler, pauvre petite. Salut, Tania. J'ai beaucoup plus de voix qu'au début de la semaine. Au début de la semaine, là, fais une imitation de ce que tu avais au début de la semaine. Je pense que je serais même pas capable. À chaque son que tu émets, demande une déduction d'impôt. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça que j'ai à faire. Une déduction de cerveau aussi pour comprendre, parce qu'il faut que tu lises ses lèvres en plus de s'imaginer ce qu'il y avait. Il manque des bouts à mes phrases, en fait, quand je parle. Mais c'est quasiment la voix de Marilyn Orsini, parce que Marilyn Orsini, c'est des fois... Je pense que je préfère Caroline Néron après 6 paquets de top que Marilyn Orsini. Marilyn Orsini, il faut que tu fasses des... Oh oui! J'adore! Mais bon! Ouais. Puis je suis pas rendue à ce point-là encore, tu comprends? Ça va venir à tes 50 ans. Ouais, c'est ça, peut-être, peut-être. Radio-Canada va t'appeler. Exactement. Ouais, on a besoin d'une autre émission pareille comme celle qu'on a déjà. Donc, Tania Bonin qui est là pour faire des réactions pour le reste de l'émission, pour faire acte de présence. C'est trop bien. Disponible au travail. On va chercher une petite partie de la balance. Pour accueillir avec moi, donc Tania, David, on accueille Marianne Chartier-Boulanger, qui est là pour nous parler de la Ruelle des Arts. Oui, allô. Allô, Marianne Chartier-Boulanger. Ben oui, ça va c'est bien. C'est moi. Oui, oui, ça va bien. Le projet de la Ruelle des Arts qui a pour mission, en fait, d'être une vitrine sur les arts visuels. Mais qu'est-ce que c'est, en gros, la Ruelle des Arts? En fait, la Ruelle des Arts, c'est organisé par le magasin Général Lebrun en ville, au centre-ville de Trois-Rivières. Là, il faut faire la distinction entre le magasin Général Lebrun... Oui, on va le faire tout de suite, OK. Et celui qui est en ville à Trois-Rivières. Oui, exact. Dans le fond, le magasin Général Lebrun, qui est à Masquinongé, qui est un ancien magasin général avec une salle de spectacle et un café, il y a 2 ans environ, est arrivé en ville, au centre-ville de Trois-Rivières. Donc, c'est une boutique souvenir avec toutes sortes de produits artisanaux locaux. Il y a aussi des bonbons anciens. Donc, il y a une grande thématique. Il y a une partie... Des bonbons anciens? Ben, est-ce qu'on peut en commander pour en goûter en nombre? Mettons des lunes de miel, ça n'existe plus vraiment. De la réglisse noire, des bonbons au clou de girofle, des trucs comme ça. Wow, mais t'es aussi bonne vendeuse pour le magasin général Le Bois en ville que pour la Ruelle des Arts. Oui! Mais donc, ça a lieu là. Ouais. Qu'est-ce que c'est, la Ruelle des Arts? C'est ça. La Ruelle des Arts, c'est une ruelle qui est adjacente au magasin Le Bois en ville, okay, qui a été aménagée justement pour accueillir 6 artistes. Il y a 6 espaces. Ça se trouve à être une vitrine éphémère en plein air qui se déroule chaque dimanche à partir du 24 juin jusqu'au 2 septembre. Tout l'été, en fait. Donc, on est à la recherche, justement, d'artistes. On est en pleine période d'inscription. Donc, c'est de ça que je veux vous parler. Oui, et c'est basé sur un concept qui a eu lieu à Québec, c'est bien ça? Oui, en fait, je ne sais pas si vous connaissez un peu la rue du Trésor à Québec, qui se retrouve être une grande petite ruelle avec des auvents un peu, puis il y a plein d'artistes qui exposent, okay, tout ça, puis ils peuvent vendre leur œuvre et tout ça. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire au centre-ville, mais à notre façon. C'est un peu aussi ce qu'on voit dans différents festivals l'été. Des fois, les petites tables avec des bijoux, t'achètes un petit collier là. C'est un peu le même genre de principe. Oui, mais là, ça se trouve à être de l'art visuel. Donc, okay, on recherche de l'estampe, de la peinture, de la reproduction offset, de la sérigraphie, de l'aquarelle, de la caricature. C'est ouvert pas mal. Oui, quand même. On ne prend pas la photographie, par contre, mais c'est vraiment pour les arts visuels. En ce moment, on a beaucoup de peinture, donc si vous avez un autre médium, ça serait intéressant. Les inscriptions se font jusqu'au mois d'avril. Oui. Comment est-ce qu'on va sélectionner ces gens-là? C'est ça. Donc, les inscriptions sont jusqu'au 13 avril. On a un petit comité de sélection qui est composé de certains étudiants en arts visuels de l'UQTR, puis aussi des personnes de l'atelier Silex. Okay. Oh, ça va être intéressant, je pense, comme projet, parce que habituellement, l'atelier Silex sont des projets originaux. Oui. Donc, justement, parlant d'originalité, quel critère est-ce qu'on va utiliser pour déterminer qui va pouvoir exposer? OK, je vais le dire. Là, si, mettons, là, que vous avez une belle collection qui représente la ville de Trois-Rivières, que c'est très historique, ça représente la culture de notre région, vous avez un petit point de plus. Si, mettons, vous avez tout plein de choses qui représentent le maire de Trois-Rivières, genre en cure-dent, en watt, ça va être approuvé, c'est sûr. Ouais, sans faire les liens avec les émissions de Marina. C'est donc beau! Oh mon Dieu, terrible. Elle est Marianne. Non, ça me fait du bien ce matin. Bon, donc, c'est ça. Si ça a un rapport avec la ville de Trois-Rivières, ça risque d'avoir plus de chances de passer. Oui, mais c'est pas juste ça qu'on cherche. Ben donc, les critères d'évaluation, c'est bien sûr l'originalité, la qualité, la maîtrise de la technique, aussi l'accessibilité d'achat. Donc, si les toiles sont un peu trop chères, on va... Faut que ce soit grand public quand même. Oui, quand même grand public. Puis donc c'est ça, pour s'inscrire, c'est ça que tu avais demandé. Ben, comment ça? C'est notre prochaine question. Ça paraît que tu as déjà fait de la radio, toi. Ben oui, hein. Pour s'inscrire, il faut aller sur la page Facebook Ruelle des Arts-Lebrun-en-Ville. Okay. Sur la page Facebook, il y a toutes les informations. Puis il y a même un petit bouton qu'on peut cliquer automatiquement pour on arrive dans le formulaire d'inscription qui s'écrit s'inscrire. Donc on appuie là-dessus, on peut s'inscrire. Après ça, il y a d'autres démarches comme envoyer 5 photos par courriel. Du maire? Non, pas du maire. c'est ça. Puis les frais d'inscription sont de 50$ si vous êtes choisi par journée. Donc, est-il possible de prendre 2 journées, 3 journées, toutes les journées? Ah, intéressant. Parce que là, ça va avoir lieu tous les dimanches, donc pas tous les jours de la semaine. Non. Ça va être de 11h à 17h. Ouais. Donc, quand même, une bonne partie de la journée. Ouais. Les gens vont aller se promener au centre-ville pendant l'été. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que ça crée vraiment une ambiance. Il y a déjà plein de festivités au centre-ville l'été. Ouais. Et donc, on vient ajouter un petit quelque chose. C'est un petit détour qu'on fait vers Lebrun-en-Ville. Puis c'est vraiment intéressant. Physiquement, tu disais, bon, c'est la ruelle à côté de quelle rue? Si, mettons, on se situe ben, à côté en fait, des... vous avez le Morgane, la rue des Forges, la rue Notre-Dame. Tu as le café là, générique du coin. Là, oui. Ensuite, l'autre côté de la rue, on avait les 5 sœurs. Oui, le... Pas les 5 sœurs, les sœurs grises, excusez-moi. le bar indépendant. Oui. Ben, à côté, on a un hôtel qui est le magasin Lebrun-en-Ville. Puis, au côté du Lebrun-en-Ville, il y a vraiment une petite ruelle qui est aménagée entre Lebrun-en-Ville et le bureau de poste. Ouais, OK. Oui. Je vois genre. Ouais. C'est cute, ça. Ouais. C'est cute, pas mal. Donc, ça va être tout l'été du 24 juin au 2 septembre, de 11h à 17h. Comme tu l'as dit tantôt, le magasin Général Lebrun en ville, place pour aller manger des bonbons. C'est ce que j'ai retenu. Oui. C'est ça. Et aller regarder toutes les belles petites antiquités et tout ça. Et s'imprégner de l'époque de l'après-guerre. Ouais. Parce qu'il y a tellement de bars au centre-ville, un petit bar à bonbons. Oh. Ça peut être cool. Oui. Mais il y en a déjà un. Il y a déjà un bar à bonbons. Oui. Le petit B. Le petit B. Ah oui. T'as raison. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup, Marianne Chartier-Boulanger. Ça fait plaisir. Faisons d'autres plugs en même temps. On t'écoute à écoutedonc.ca. Oui. Les mercredis à 18h. Oui, des fois. Je suis pas tout le temps là. Non, mais non, quand t'es là, on t'apprécie. Oui, oui, oui, oui. Ben, oui. Et on lit dans Zone Campus. On me lit dans Zone Campus. Entre autres sur l'improvisation. Entre autres. Tu peux répéter ce que je veux dire. Oui. OK, tu sais. On te voit aussi à l'improvisation. Oui. À la chasse galerie. Oui. Tu fais des beaux dessins. C'est ça. Hein? Hein? Hey, j'avoue qu'on devrait faire. Je voulais la faire répéter, mais. Okay. Des beaux dessins? Ben, je voulais que tu répètes, j'ai fait des beaux dessins. Non, mais c'est pas vrai, ça. Ah. Je le répéterai pas, c'est pas ouais, vrai. C'est ça. C'est juste des affaires qui sont vraies. Ouais, okay. Mais non, ce serait le fun de faire comme, tu sais, à la télé, des fois, les en cours, tu sais, ils n'ont pas l'air de prendre des photos. Mm-hmm. Fait que là, on pourrait dessiner de l'improvisation. Hey, ça serait fou. Hey, si tu savais comment je dessine mal. Ça dérangerait oh, moins là, les là. Joueurs avec le flash, tu sais, tout ça. Ben, à un moment donné, j'ai toujours mon petit calepin à l'impro. Puis Alexandre Mizuiki, il me l'a volé, puis il a fait des dessins dedans. Ah, es-tu bon? Oh. Hey, c'est vraiment beau, on devrait y demander. Fais semblant que c'est toi, vu que c'est ton cahier. Ton nom est dessus. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah, ben oui, je vais y voler, c'est ça. Tu montes ça à David, David va mettre ça sur le blog. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée, pour vrai. Faudrait juste que ça soit approuvé par Marie Labrosse. Pour vrai. Rédactrice en chef. J'aime l'idée. Ouais, c'est ça. J'aime l'idée. Marianne Chartier-Boulanger, oui. Tu repasses quand tu veux pour parler de ce que tu veux. Oui. Tu es stagiaire pour cet événement-là, donc c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Stagiaire pas pour le magasin ou pour l'événement, les deux? Ben, en fait, je suis stagiaire en loisirs, culture et tourisme. Puis j'ai fait mon stage au magasin Général Labrosse. C'est-tu fin, pareil? Ouais. Bravo. Nous, on va écouter une pièce que tu nous as suggérée, Marianne. Oui. Quand je t'ai dit, est-ce que tu aimerais entendre une pièce précise? Tu as entendu le mot corridor et tout de suite, tu sais, ruelle, corridor, fond de place. Tout est dans tout. Ça rien. On écoute Corridor et Allo Monde avec deux cœurs. Assemblage Rocky, restez là tantôt. On va entendre du poulet avec David. Hop, hop. Yeah. Simon Kingsbury avec la pièce Tuer la bête à Assemblage Requis. Et maintenant, on passe à la carte Bleacher. C'est la carte Bleacher avec David Ferron. Mais j'ai le goût de mettre la voix de Marina qui dit c'est donc ben beau ça. C'est donc ben beau ça! Je sais plus. Je l'ai pas tant que ça finalement. Donc David, la carte Bleacher, évidemment, on te donne carte blanche et tu vas un petit peu trop loin. cette semaine. Tu le regrettes, on dirait. Je regrette énormément. Salut, au revoir, bonne journée. Il nous a envoyé cette chanson-là par Facebook. Il l'a fait entendre de force. C'est déplaisant. T'étais pas obligé. Ah, mais tu sais, moi, tu m'envoies quelque chose, je clique dessus. Ah, c'est parce que t'es fin. C'est ça. Qu'est-ce que tu nous présentes de l'Eurovision aujourd'hui? Oui, encore, c'est ça, j'aurais pu ne pas parler de l'Eurovision. Mais non, mais non, mais non, mais non, on s'attend à ça de toi. Oui, mais c'est parce que c'est le prochain Gangnam Style que je vous présente. C'est pas, ça augure pas très bien. Hein? Est-ce que t'aimes le Gangnam Style? T'as... Non, pas vraiment. Non, vraiment pas. Mais c'est, ouais. Je trouve ça, mais la toune, en tant que telle, non, mais le message derrière, oui. C'est quoi le message? Je le dis pas tout de suite. Ah, OK. Non. Dans la chanson qu'on va entendre, pas dans Gangnam Style. Non, c'est ça, dans la chanson. Dans okay. Mais avant, je vais faire un petit topo de l'Eurovision. Oui, l'Eurovision en bref. Que ça risque d'être passionnant. Toujours. Oui, parce que cette année, évidemment, on a eu des... En fait, au cours de l'histoire de l'Eurovision, on a eu des yodeleurs, oui. Les mamies russes, des femmes à barbe. On a aussi des monsieur qui tourne autour de la scène habillé en papier d'aluminium. Bref, toutes sortes de trucs. Faut dire que c'est un concours de chant pan-européen. Oui. Donc, pour se démarquer des autres, on doit y aller dans l'original. Je tiens à dire qu'il y a quand même 200 millions de personnes qui regardent ça. C'est ça. C'est ça le pire. Fait que 200 millions de personnes vont avoir vu la personne qu'on va entendre chanter et oui. Après moi, ça va rester avec elle pour le reste de sa carrière. Oui! Puis là, en plus, on pensait pas que chez les parieurs, parce que la toune que je vais vous parler vient d'Israël. Ouais. Et là, au début du mois de décembre, j'ai revérifié avec la Wayback Machine chez les parieurs de l'Eurovision. Elle était 33e position et là, c'est rendu la première chanson, la chanson la plus pariée. Donc, celle qui risque d'avoir le plus de succès pour gagner le championnat ben, de l'Eurovision. C'est ce que les parieurs pensent. Mais tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver avec la scène, avec la voix. Est-ce que la chanteuse va fausser? Est-ce que la mise en scène va être bordélique? Est-ce qu'il y a des chansons qui vont se démarquer davantage? Par exemple, avant que les chansons finnoises et russes sortent, elles étaient très hautes, ces chansons-là, mais là, quand elles ont sorti, ça a baissé. Ils font tous des clips vidéo comme ça, parce que c'est un clip quand même assez produit, là, un clip fini. Ça dépend des pays. OK. Ça dépend des pays. Il y en a qui n'ont pas les moyens d'acheter, en fait. Mais celle de la République tchèque, qui est un pays qui habituellement ne va jamais bien à l'Eurovision, est rendue troisième chez les parieurs, okay. A sorti quand même quelque chose de léché avec un dromadaire. Oh boy. Non, chameau. Un boss ou deux boss? Je ne me rappelle plus, mais avec une belle bibitte à deux boss. Il y en a ça, c'est quoi? Il y a un appareil mnémonique pour ça. Est-ce que c'est des dromadaires, deux boss? Ah, c'est pas fou ça. Je pense que c'est ça. C'est ouais. Ça, c'est un dromadaire. Ouais. Donc, c'est bien. Puis sinon, ben, la semi-finale qui s'annonce comme un bain de sang parce que les délégations se forcent pour envoyer des tunes. On dirait que l'année passée, ils voulaient pas gagner. L'ambiance était morose. Tandis que là, cette année, les gens veulent. Donc, ça va être un bain de sang. Pour ceux qui s'ennuient de Game of Thrones, regardez Eurovision. Oui, parce qu'il y a des gens, des pays qui se classent tout le temps automatiquement en finale, quasiment d'une certaine manière, parce qu'ils sont abonnés à la finale, comme l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mm-hmm. Ça se peut qu'ils ne soient pas en finale. OK. À ce point-là, mais là, j'arrive à mon point principal parce que j'avais parlé qu'on avait peut-être le prochain Gangnam Style de la part d'Israël. Israël qui, depuis 10 ans, a de la misère à être dans le top 10. Depuis 2009, un seul top 10 et 4 fois, elle ne s'est pas rendue en finale. Donc, ça va pas très bien, surtout pour un pays qui a gagné 3 fois dans le passé. Okay. Donc, c'est un concours qui existe depuis longtemps, donc. Oui, depuis 1956. Eww, quand même. Ah oui, ça fait longtemps. Oui. Mais ça a évolué depuis. Donc là, cette fois-ci, il y a eu Israël a organisé un concours qui dure depuis le mois d'octobre. C'est en fait comme la nouvelle star, mais pour l'Eurovision. C'est une branche locale, donc un genre de La Voix qui va après se mener à une version mais là, mondiale. Ils ont pris comme le concept de Rising Star qui est assez particulier pour désigner le gagnant. Okay. Ou la gagnante. Et ça a été Netta Barzilai. Une jeune auteure-compositrice de 25 ans, pas du tout coincée, qui a fait durant le concours national des reprises assez surprenantes, okay. Comme What is Love? Uh-huh. What is Love? Ah, ouais, ouais.

Netta avec la chanson Toy. Oui. Avant de repartir ton fond, le jeu qu'on rend, qu'on réécoute. Oui, parce que sur YouTube, ça commence à pogner quand même pas mal. C'était. La... Ouch. C'est quoi ça? La... Des bouffies. C'est juste drôle. Parce que pour vrai, les faces qu'elle fait, là. Oui. Il y a des gifs animés déjà de ça. Oui. Elle fait des faces tellement particulières de yeux croches puis de faces qui bougent bizarres. Oui. Que j'avais honte quand je regardais le vidéoclip. Tu sais, la chanson, c'est pas mauvais. Mais c'est voulu. C'est voulu, c'est, comme... c'est kitsch, c'est ça. Oui, oui, c'est voulu que ça soit ridicule comme ça, mais tellement talentueuse que ça ne deviendra pas ridicule, ça va juste être drôle, je pense. Ouais. Puis Israël, habituellement, c'est une délégation qui niaise pas sur la mise en scène, qui prend ça très au sérieux, c'est toujours léché, les mises en scène. Donc, je pense pas que ça va être ridicule, ça va juste être un party. Puis elle chante bien, fausse pas, trop live. Donc, je sens que ça va... Je sais pas si ça va gagner l'Eurovision. Mais top 10. Est-ce que tu mets de l'argent dessus ou pas? Toi? Moi, j'en mettrais au moins pour un top 10. Ouais. Bon. Au moins. Puis en plus, sur YouTube, ça commence à pogner. Quand on regarde des vidéos populaires, c'était il y a quelques heures, 21e en Grande-Bretagne, 9e au Portugal, 4e en Grèce, 20e en Ukraine, puis même Brad Bird en parle. Wow! Hmm. Ben, Brad Bird, on sait qu'ils sont très pro-israéliens aussi. Là. C'est vrai. Donc. C'était justement la représentante d'Israël, Netta. Netta, avec la pièce Toy. Oui. Toujours dans la carte Bleachée, on a encore un petit peu de temps. Donc, David, tu nous présentes d'autres chansons tirées de ton grand répertoire musical. Ouais, ces temps-ci, il se réduit avec l'Eurovision. Ah, mais c'est horrible comment je régresse. Chacun ses obsessions, hein. Ouais, je sais, c'est horrible, mais c'est le fun. Oui. Pour moi. C'est divertissant. Ben, pour moi-même. Ouais. Donc, on va entendre une des compétitrices sérieuses de Netta. Sénèque. Sénèque. Oui, une chanteuse, en fait, auteure, compositrice, interprète belge avec Matter of Time. On écoute ça tout de suite? Oui, et après ça, Sorry Times de Portichette, c'est juste, je trouvais qu'il y avait un lien entre les deux. Cool. La carte like Bleachée. It's meant to be broken. Sometimes we long for the unspoken. We try to avoid every commotion by showing hardly any emotion. Sometimes it seems we're at the wrong station, looking for a deadly combination. Sometimes it feels like imagination, looking for all these cheap sensations. Matter of time before it all. Matter of Time de l'artiste belge Sénec. Mm-hmm. Il faut qu'on... oui, vas-y. Je parle pas souvent, mais quand je parle, c'est très pertinent, surtout ce matin. On a un auditeur qui nous écoute présentement, qui est Étienne. Il dit que le refrain file un peu comme une toune de James Bond. Oui. J'approuve vraiment ce qu'il dit. Là, c'est vrai. On aurait dit un peu dans le dernier, Adèle. C'était Adèle qui chantait? Ouais. Oh, moi aussi, j'ai... en tout cas, j'ai aimé la toune pas mal. Merci, c'est pas mal, Étienne. Épique. Oui, ben, merci, Étienne, d'être resté malgré les sons de poule. C'est ça. Eh ben, il fallait, faut qu'on refasse notre public pour le reste de l'émission. Je m'excuse d'avoir scrappé votre auditoire. Hey, parle de scrappage. Ouais. Tantôt, on a fait une énorme gaffe. Ouais. Chameau dromadaire. Moi, je pensais qu'il y avait, que le conseil, c'était que deux boss, c'était dromadaire, c'est DD, mais finalement, c'est pas ça le conseil. Le conseil, c'est que, Tania, chameau, 1M, une boss, dromadaire, 2M, deux boss. Ben, c'est ça? Non, mais finalement, c'est le chameau à deux boss. Fait que... Ouais. Je comprends comme ça. Ça marche plus, le con. Je suis sûr qu'il y a un truc pour ça, moi. Mais c'est peut-être que chameau prend un M, donc il y a deux bosses. Dromadaire a deux M, donc il y a juste une bosse. C'est pas... Chameau, deux... En je fait, pense qu'on s'enfonce encore plus. Ah, chameau, c'est... Hey, attends, c'était pas quelque chose par rapport aux espaces. Puis de toute façon, dromadaire a juste un M, de toute façon. Aussi, bon, ben, tu vois, hein, on est tous dans le champ. Eh, boy. Conseil, je cherche un conseil, pour vrai, je veux le savoir. Je veux le savoir. Ben, mettons, chameau, deux. Ouais. Ça deux consoles. Non, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Hein. Consoles. Ouais. Tantôt, tu nous disais qu'on allait entendre une autre chanson qui te rappelait l'ambiance. Oui. C'est bien ça, le Sénec? C'est le trip-hop James Bond. Ouais. Donc, c'est la mère de toutes ces chansons-là. OK. C'est Sour Time. Sour Time. Sour Time. De Portishead. Cool, on écoute ça dans ta chronique La Carte Bleachée. Morning rose, forbidden fruit, hidden eyes, courtesies that I despise. c'était la pièce Soul Time de Portish Head. Portish Head. Vous prononcez comme fou. Hein? Ouais. Ouais. On était dans la thématique Trip Up James Bond. C'était bon, ça. C'était oui. Vraiment très bon. Bref, tantôt, on a parlé de chameaux et de dromadaires et j'ai cherché un appareil mnémonique pour pouvoir s'en souvenir. Et apparemment, qu'il y en a. Hein? Combien de boss a le chameau, combien de boss a le dromadaire, quelques petits moyens mnémotechniques pour ne plus jamais se tromper. Attention, le mot chameau possède deux syllabes, donc deux boss. Chameau. Hein? Mm-hmm. On peut aussi retenir que dans dromadaire, il y a deux D, mais pas deux boss. Mm-hmm. Faut que tu retiennes le contraire du conseil. Ça, je trouve que c'est tiré. C'est trop. Je l'aime pas bien, celui-là. Il y a aussi une petite blague. C'est un chameau qui rencontre un dromadaire. Le chameau dit « Ça va ?» Le dromadaire dit « Oh, je bosse, et toi ?» Et là, le chameau dit « Je bosse, je bosse. » Oh. Mais faut pas que tu mélanges le dromadaire avec le chameau. Faut pas que tu les inverses. Non, c'est ça. C'est important dans le sketch, tu sais. Il y a aussi s'intéresser au pluriel de ces deux animaux. Pour des chameaux, on a un X à la fin, le X qui est deux traits pour l'écrire comme les deux bosses, tandis que le dromadaire, c'est un S, un seul trait, une bosse. Ça, tu vois, je préfère celui-là. Mais c'est parce que si tu mets le S à 90 degrés, ça fait comme deux... Bon, là. Ouais, calme-toi. Wow, wow, wow, David. Un matin, wow, minute, là. En tout cas, bref. Fait qu'il y en a des conseils pour le savoir, chameau, dromadaire. Maintenant, on est plus éduqués. Voilà. Merci, David, pour ta sélection musicale. D'aujourd'hui. Fait plaisir. Ouais. On prend une pause au retour. Une grosse pointe d'adresse. Yeah! Ooh. Un sondage requis. FM 89.1 FM. Toujours à Assemblage requis en ce jeudi 15 mars 2018. Mathieu Plante, aujourd'hui, Tania Baudin est remplacée par David Ferron à la co-animation. Salut David. Salut, mais Tania, j'espère que t'es pas trop découragée. Tu dis pas, oh non, j'aimerais ça retrouver la voix parce que vraiment, ça fonctionne pas. Attends, j'ai pas tout compris. Ouais, c'était quoi ça? Ben non, on espère juste que, parce que c'est quand même chaussé de gros souliers que d'être au micro de Tania. Ah. Ouais, c'est quoi, des 6? Non, merci, c'est gentil. Des 8? Des 8, quand même. Ben, je dirais que c'est des 15, là. Des 15? Oui. Oh, mon Dieu. Des radiophoniquement pieds? Parlant, c'est des 15. Merci beaucoup, merci beaucoup. Des merci grands beaucoup. Pieds radiophoniques, Tania. Tania, les gens qui ont déjà des fantasmes qui lui écrivent sur Facebook tous les jours, maintenant qu'ils savent qu'elle a des pieds souliers 15. Ouais, c'est ça, peut-être qu'ils vont vouloir me les licher. C'est ça. Mais c'est radiophoniquement parlant. Ah, OK, OK, OK. Merci beaucoup. Bref, les amis, David, Tania, Mathieu, oui. La formule habituelle, on est de retour ensemble pour une grosse pointe d'adresse. Yeah! Une grosse pointe d'adresse! Yeah! Une grosse pointe d'adresse! Yeah! Une grosse pointe d'adresse! Yeah! Une grosse pointe d'adresse! Voilà! Une grosse pointe d'adresse! Pardon? Une grosse pointe d'adresse! Ah! Une grosse pointe d'adresse! Une grosse pointe d'adresse! On n'est pas sur le beat, pas tout. Matin, les gars. C'est le jour pour t'adresser à la chronique où on déguste un produit du tiroir, c'est-à-dire un produit acheteur d'épicerie, en dépanneur, en pharmacie, quelque part. C'est quelque chose de malsain, finalement, dans une rangée miteuse, une ruelle, si on veut. Quelqu'un m'a échangé ça contre de la drogue. Imagine, quelque chose, je sais pas. Et hey boy. Ouais, c'est un peu. C'est trash. C'est trash, un peu cette affaire-là. C'est comme si toi, tu possédais de la drogue. Ben non, jamais de la vie. Si j'en possédais, je l'échangerais contre du chocolat, c'est sûr. Hein? Donc aujourd'hui, à la chronique, David Ferron, chef de pupitre du journal Zone Campus, chroniqueur. À Assemblage requis pour la carte bleachée, bien sûr. Tania Baudin qui est de retour après plusieurs chroniques d'absence. Ouais, ouais. C'est là, sans que tu saches qu'on a commencé à parler par-dessus l'intro de la chronique. Ben ouais, tu vois ça. Ouais, puis moi j'ai essayé de suivre, puis ça n'a pas marché. Ça a pas, non, c'était pas très bon. C'est pas grave. Mais bref, Tania est là avec son pas de voix. Ouais, je suis désolée.

On dit que Tubers Brewing en Californie propose une Stardust IPA, elle, avec ses petits brillants-là à l'intérieur, et on sait pas encore comment ça goûte, mais ça devrait être une tendance pour l'été qui s'en vient des bières à paillettes. Est-ce que ça fait un effet luminescent quand t'es dans le noir? En fait, je regarde la vidéo, il y a une petite vidéo de postée sur assemblagerequis.com. C'est pas du glow in the dark, c'est des glitters. Non, c'est ça, c'est juste des glitters. Okay. On peut voir la texture un petit peu là, mais sur moi, la photo. Mais moi, c'est justement la texture qui ferait en sorte que peut-être que tu bois ça, là. Puis là, t'as des glitters qui te pognent dans la gorge, genre, c'est quoi? Probablement, mais mangeable, mais pas parce que c'est mangeable que ça va être plaisant à avaler. C'est ça, je suis pas certaine. Je sais pas. Moi, j'étais contre l'idée d'avoir, tu sais, les petits bubble tea qui en ce moment, c'est bien à la mode. Les petites boules, genre, gluantes qu'il y a dedans. Finalement, j'ai goûté, puis c'est bon. Oh, ouais, ouais, c'est très bon, ça. Ben, j'aime pas le tapioca, c'est des trucs qui ont de la glu dedans. Là. Mm-hmm. J'aime pas ça, la texture, mais dans. Ouais, mais ça, c'est des petites boules de jus, là, souvent. C'est comme des raisins, genre, tu sais. Ouais. C'est bon, enfin. Bref. Tout le monde en parle de ça, on n'a pas choisi de l'aborder, au moins pour voir ce que vous en pensez. En Asie, au Japon, Coke qui va sortir. En fait, la compagnie Coke, mais ce sera pas un Coca-Cola alcoolisé, malgré ce que les médias en disent. C'est pas vraiment ce que ça va être. La compagnie va lancer une version en canne de Chewy. Donc, c'est une boisson alcoolisée fabriquée avec du chouchou. C'est un breuvage distillé, typiquement fabriqué à partir de riz, la soupe barley, c'est quoi déjà? Un petit peu. Miso, non? Non, j'oublie tout le temps ce mot-là, mais pourtant je l'avais sur le bout de la langue. Non, de l'orge. L'orge. Donc c'est fait à partir de ça. C'est donc la première fois pour la compagnie Coke qui est derrière ça, qui est la maison mère, mais en tant que telle, contrairement à ce que les médias disent, c'est ça, ce ne sera pas un Coca-Cola alcoolisé. On dit que le Chewy est considéré comme un breuvage faible en alcool. Ça peut aller jusqu'à quand même un degré de 18%. Non, un degré 18, c'est 9% d'alcool par volume. Ah, okay. Voilà. Bref, c'est la première fois qu'ils vont faire ça quand même dans la compagnie. On dit que les gens boivent en moyenne 8 onces de boisson par jour et que Coca-Cola aimerait ça de faire partie, dans le fond, d'une plus grande portion de leur breuvage. Le marché japonais, c'est toujours un endroit où Coca-Cola essaie d'innover. Ils sortent environ une centaine de nouveaux produits par année, selon la compagnie. Le Chewy Drink va être seulement disponible au Japon pour l'instant, et même, je dirais, pour toujours, parce que je pense pas que cette marque-là va finir par arriver de notre bord, mais on peut le souhaiter quand même. Ensuite de ça, on a parlé de Reese dans notre barre de chocolat qu'on vient tout juste de goûter. Reese's Peanut Butter Cups International Delight Creamer, donc les petites crémettes là, en grosse bouteille qu'on achète en magasin, avec la saveur du Reese's Peanut Butter Cups. C'est trop. Trop pour toi? Ben oui. Moi, je serais jamais sur ce genre de petites crémettes-là. Moi non plus, je trouve ça dégueulasse. Hey, je trouve tellement ça goûte pas bon. C'est pas bon, pas en tout. Je comprends même pas pourquoi c'était à la mode. À la vanille, ça se tolère. Peut-être, mais je sais pas si c'est que ça goûte trop lait ou si faut que t'en mettes exactement le bon dosage. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le fait que de toute façon, il y a du lactose là-dedans. Fait que de boire ça, pour moi, c'est... Ouais, on a une aversion à ça. Mais café glacé, par contre, ça vaut la peine. Pas café chaud, parce que ça sort une espèce de goût un peu... Caillé. Ouais, exactement. Tandis que café glacé, c'est parfait pour ça. Ouais, dans un café glacé, peut-être que je l'essaierai. Je pense que t'as mis le doigt sur le bobo, ça goûte le lait caillé. C'est vraiment ça, je pense. Peut-être sur glace. C'est ça? Non, mais juste le crémeur. Tu lèches la glace? Je sais pas. Ouais, lèche la glace sur un bâton. Je sais pas. Bref, on continue dans le bar d'arachide avec les Peanut Butter Chocolate Pebbles. Les Pebbles, c'est des céréales des pierres à feu, pour ceux qui ont jamais vu ça, parce qu'on n'a pas vraiment ça souvent ici. On en a déjà eu, mais pas tout le temps. Bref, il va y avoir une version avec du beurre d'arachide, et on voit le pot de beurre d'arachide et la barre de chocolat derrière, donc ça doit goûter ce que c'est supposé goûter. Les Chocolate Peanut Butter Pebbles de la compagnie Post. C'est trop. Encore, voyons, toi, tu manges tout le temps, puis là, tout est trop. Ouais, mais c'est la Reese. Et là, je l'avais mis avec l'autre parce que ça parlait de beurre d'arachide, mais on revient au crémeur pour le café avec les Coffee Mate au guimauve rôti. Ouf. Biscuits et crème et noix de coco caramel. Je sais que David t'a dit tantôt que t'aimais beaucoup les Bounty. Donc ça pourrait être pas pire. Là, mais... c'est pas trop. Non, c'est trop. Non. Voilà. Mais un goût de noix de coco dans mon café, ça, je suis pas sûr, genre. Ah, j'essaierais. Je trippe là sur la noix de coco, là, mais dans mon café. Café glacé, ça serait bon, je pense. Ouais. On reste avec International Delight, mais on change de produit parce que je ne savais pas ça, mais ils font aussi des yogourts crémeux International Delight, la même marque que les crèmes à café. Donc il l'a au caramel macchiato. Et puis il l'a aussi à l'autre. Moi, tu vois, t'es aussi mêlé. Et l'autre c'est cinnamon, comme les petites friandises à la cannelle et à la crème, tu sais, au petit crémage. Miam miam miam. Yoplait, on reste dans les yogourts. Yoplait qui ajoute une version avec des Sour Patch Kids. Donc la saveur du Sour Patch Kids à l'intérieur, c'est des Go-Gurt, donc les petits yogourts en barre. Comment ça s'appelle? Pas en barre, en sachet vertical. Ben, dépendant de quelle barre tu le mets. Ça peut être horizontal, tout mal horizontal. Ouais, en tout cas, ça bon bref, tant que ça tombe pas. C'est ça. Yoplait, qui fait du yogourt à saveur de bonbons surette avec les Sour Patch Kids Flavored Go-Gurt. Disponible en deux saveurs, framboise et framboise bleue, évidemment. Ah non, l'autre, c'est Red Berry, donc baie en général, et framboise bleue. Intéressant, je sais pas. Ça pourrait être le fun d'essayer, d'avoir la petite joue qui te... quand tu manges ton yogourt en barre. Ensuite, on reste dans ce qui est froid et laiteux, lacté. Avec le Cool Whip Mix-ins Oreo and Double Chocolate Brownie. Donc Cool Whip Mix-ins, ce que ça veut dire, c'est du Cool Whip, sauf qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre. Oh. Comme des morceaux d'Oreo ou des morceaux de brownie double chocolat. Mais la Cool Whip, c'est la crème fouettée. Ouais, mais c'est écœurant, c'est bon la Cool Whip, non? Wow. Tu ça? Mm-hmm. J'adore. Oh, oui. Donc moi, j'essaierai ça, c'est sûr, sûr, sûr, sûr. Faut garder au réfrigérateur pendant une semaine. Et sinon, au congélateur, ça se met aussi. Mm. Mm-hmm. Ensuite, on va chez Oreo avec l'édition limitée Oreo Cookie Butter. Vous connaissez la tartinade au biscuit, le spéculoos? Mm-hmm. Donc, version Oreo, non? Je t'ai des mélanges avec la beurre de peanut. Ah, ouais. Mais non, mais c'est pas beurre de peanut, c'est biscuit. Ouais. C'est biscuit au beurre. Ah, ouais. C'est bon, ça? Moi, j'aime ça. Cookie Butter Oreo, ça s'en vient. Trop salé. Ouais. Si on reste dans les Oreos, tiens, Oreo à chocolat noisette comme du Nutella. Hein? C'est pas trop ça? Non, ça c'est parfait. Chocolat noisette, bon. Tu vois, on connaît son degré maintenant de. Ouais, c'est ça exactement. D'acceptation. On va faire les gager un peu. Ouais. Quand quelque chose doit être sucré, ça doit rester okay. Sucré. C'est bon, traditionnaliste. C'est aussi simple que ça. Oui, là-dessus, oui. Nationaliste blanc. Oh, oh. Non, c'est une blague. Justement, parlant de nationaliste blanc. Oh. Les Oreos au chocolat blanc et qui sont enveloppés en plus autour de chocolat blanc. Mais ça a l'air d'être une édition de Noël. Hein? Ben, c'est une édition d'hiver. Okay. Parce qu'il y a un petit bonhomme de Noël, j'ai pas de Père Noël dessus. Là. Ah, okay. Quand même pas. Ouais, mais t'as plus le droit de mettre des bonhommes de Père Noël. C'est ça. Donc, c'est vraiment un Oreo normal avec le biscuit en chocolat. L'intérieur, la crème est blanche comme à l'habitude, sauf que c'est entouré de chocolat blanc. Donc, c'est pas la crème à l'intérieur qui est au chocolat blanc. Quand tu fais ce bruit-là, ça fait tellement genre. Non, ça sonne bizarre à mes oreilles. Je sais pas, ça fait louche. Ouais. T'es louche un peu. On passe des Oreos au triscuit avec des triscuits au fromage romano et au miel. Hey, le Tom Jazz. Oh oui. Il y en a aussi un aux quatre fromages et aux herbes. Il y en a un avocat, cilantro et lime. Et l'autre qu'on a déjà goûté en onde au gouda fumé. Mm-hmm. Je l'ai quand même aimé, celui-là. Ça a l'air bon, ça. C'est vraiment un fort. Gouda fumé, il est vraiment bon. Mm. Ouais. Et puis, on va terminer avec le dernier. Pringles à saveur de boisson gazeuse cola. Arc! Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais Colin, que c'est drôle. Je refuse. Comment être original à outrance? Je sais pas. Pringles à saveur de Coca-Cola ou cola en général. Ouais. Apparemment qu'il manque de sel, évidemment, parce que c'est sucré du cola. Il y a une équipe marketing qui s'est assise autour d'une table puis on dit « on sort des chips au cola oh, ». C'est Coke. Mais tu sais, s'il y a des jujubes au coke, il peut bien avoir des chips au coke. Oui, mais le jujube, je le comprends. Ouais, c'est sucré, ça. Sucré, ça marche. C'est exactement. Ça. Là, c'est salé. Là, c'est non. Non, non, non, non. Voilà, c'est tout pour les petites nouvelles du fast-food pour cette semaine. On en fera d'autres la semaine prochaine après notre dégustation tous les jeudis matin à 9h quelques, en troisième heure de l'émission. Mais nous, on va devoir terminer l'émission là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci David Ferron d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli malgré tout. C'est un grand plaisir comme toujours. Merci à Léa Tessier pour sa chronique Machin musicale. Merci à Mathieu Janvier pour sa nouvelle chronique sur les jeux de table. Merci à Marianne Chartier-Boulanger qui est venue pour parler de la ruelle des arts. Merci Tania Baudin d'avoir passé un petit moment avec nous. C'était pas super long, là, parce qu'on s'entend que j'avais pas pu faire trop. On s'entend pas vraiment, en fait. On s'entend pas. C'est exactement. Hein. Merci, David, de m'avoir remplacé. Ouais, ça fait plaisir, mais sérieusement, je sens mes pieds un petit peu slack parce que, comme je l'ai dit, radiophoniquement parlant, Tania a des grandes chaussures. Merci. Des 6 de femmes. Des 8 de femmes. 8 de femmes, c'est ça que j'ai dit. Bref, on se retrouve lundi, Tania, avec une meilleure voix. Oui, oui. Ben, on va toucher du bois. On va se soigner aussi en fin de semaine. Ouais. Je vais surtout pas parler durant le restant de la fin de semaine. Je t'adresserai même pas donc, parole. Ouais, c'est ça. On se retrouve demain à 7h pour l'édition week-end de l'émission. Sinon, sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, la rediffusion du Mathieu Plante Show va être là à 13h. Ensuite, la rediffusion du Prétexte à 16h. En direct avec la sortie de secours à votre gauche à 18h. Et Très Blues, assez fou à 19h. À demain! Bye! Bye! Bon café! Oui!